Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Galère, bienvenue pour ce nouvel épisode de Débattons d'Anguirou qui sera ce soir intitulé Football apostrophe avec un dispositif Débattons d'Anguirou toujours au taquet autour de la table. Ce soir, bien sûr, Magic qui n'est pas au stade ce soir mais qui arpente pour vous depuis le début de l'année la capitale européenne du sport à Marseille. Bonsoir Magic. Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos auditeurs et... je suis content d'essayer de nouvelles pratiques dans ma vie. À côté de vous, le coach. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Écoutez, fort bien. Je souhaite la bienvenue à tous nos invités. Pour compléter ce dispositif, bien sûr, Poncherella, Esther Salmona est parmi nous. Et Esther, vous allez une fois de plus nous abreuver de vos paroles saines, mais évidemment tweeter pour nous sur le compte Twitter des Bâtons dans les Roues. Pardon, excusez-moi, j'avais pas débranché votre micro, on ne vous a pas entendu. Et puis le docteur Lehmann qui est parmi nous à Oléron et qui, plus tard dans l'émission, nous fera l'honneur de nous distiller sa belle et puissante chronique. Mais ce soir, c'est football apostrophe avec trois invités merveilleux qui vont répondre avec nous, avec l'ensemble du dispositif, à cette question. Qu'est-ce qu'un bon livre de football, le livre idéal de football, et inversement, le livre à ne plus faire. Trois auteurs qui vont remplir trois rôles. D'abord, l'auteur, c'est vous, Sami Mouhoubi. Bonsoir. Bonsoir, très honoré. Vous êtes journaliste indépendant, on lit votre plume dans divers canards, notamment dans des rubriques sportives et judiciaires, ce qui fait plutôt bon ménage, a priori. Oui, on peut le dire comme ça, même si ces derniers temps, on ne m'a pas beaucoup lu dans certaines gazettes. Mais bon, c'est un choix. Depuis l'an dernier, vous êtes également l'auteur avec deux de vos camarades d'un ouvrage qui s'appelle Débordement, qui est publié aux éditions Anna Moza, qui va être un petit peu aussi la source de tout ce qu'on va pouvoir échanger ce soir. Écoutez, j'espère vous faire partager le plus possible ce qui a été l'aventure et l'écriture de ce livre, avec Olivier Villepreux et Frédéric Bernard. Et j'en profite pour remercier tout de suite notre éditrice chérie, Chloé Pathé. La directrice d'Anna Moza. À votre droite, celui qui remplira le rôle de l'éditeur, c'est Philippe Auer, dit le préfet, les éditions Ventloup. Bonsoir. Bonsoir, cher préfet. Comment allez-vous ? Oh, un peu fatigué, soir, quand même. Comment se porte la maison d'édition ? Oh, la maison d'édition se porte sur mes épaules, c'est pas mal déjà. On vous retrouvera accompagné de Magic pour une interview dont il a le secret tout à l'heure. Et puis enfin, celui qui va remplir le rôle de l'imprimeur en bout de chaîne du livre, c'est vous, Brian Murat. Bonsoir Brian. Bonsoir. Bonsoir Brian, vous êtes imprimeur, donc de métier, fabricant de livres, mais vous êtes aussi éditeur, auteur, artiste, bref, vous pourrez rebondir parfaitement à l'ensemble de cette émission. Et notamment, vous commettez depuis quelques années la revue GPU, qu'on connaît bien à Marseille, une revue artistique et poétique. On vous avait reçu il y a quelques années pour cela. Oui. J'ai bien travaillé, mon très cher hôte, pour ce soir. Cette émission ne serait complète sans le docteur. Bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, qu'on retrouvera pour une chronique surprise, un peu, qui mettra nos invités à contribution ce soir. Rappelons donc le code, ma chère Poncherella, du compte Twitter sur lequel on peut communiquer avec vous et puis aussi lire vos commentaires de l'émission. Oui, c'est @dbdgr, mais avec un slash bas entre chaque lettre et en capitale. Est-ce clair ? C'est assez clair, je crois. Le numéro de téléphone du studio pour nous joindre, si vous le souhaitez, c'est le 04 91 08 28 10. On rappelle dès le début de cette émission notre appel à Mobilette Participative, bien sûr, que nous avons lancé il y a quelques temps pour réaliser notre enquête sur Zato, le supporter SDF, cet été. On a besoin de ces mobilettes pour partir bien en reportage, Magic. Je ne sais pas si vous avez eu des réponses, vous, de votre côté, mais... Alors, j'ai eu quelques touches, comme on pourrait dire, c'est durant les vacances dernières de Noël, mais c'était au Maroc. Donc, il faut que je trouve un moyen de les faire sortir. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Bon, on va essayer éventuellement de se renseigner là-dessus. Si, bien sûr, des auditeurs ou auditrices ont des suggestions à vous formuler, on attend leurs appels. Oui, vous savez que depuis le Maroc, les droits de douane à l'entrée comme à la sortie sont de 500%. Ah, c'est énorme. Donc j'en ai trouvé des pas chers, mais quand même ça fait quelque chose. C'est quand même pas mal, effectivement. Enfin, dans cette émission, nous délivrerons le premier prix du livre DBDGR. On n'a pas encore trouvé exactement ce que voulait dire DBDGR, sinon que le coach, vous avez deux propositions, je crois. Dont je ne me rappelle et plus du tout. Bon, très bien. Alors, ce sera le prix international littéraire DBDGR, des bâtons d'Anguirou. Donc, chacun des participants à cette émission fera une proposition de livre, une minute pour convaincre, et nous voterons tous ensemble à la fin. Et on va commencer par ça, mon cher coach, vous allez vous prêter à cet exercice en premier, nous présenter votre ouvrage, une minute pour convaincre, le premier livre candidat au prix DBDGR, on vous écoute. Alors je vais faire donc une minute très vite, donc c'est une petite plaidoirie pour la Bible originelle de tous les coachs, qui est le Shun Shi Bing Fa, dit l'art de la guerre, hein, de maître Sun Tzu, qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui est le premier traité de stratégie et de philosophie militaire dont les préceptes s'appliquent encore sur tous les terrains de la vie de nos jours. Donc deux raisons en font un livre incontournable pour ce prix. C'est le passé et le futur, rien de moins. Donc pour le passé, donc, il faut rendre à Confucius ce qui est à César, le football comme les pâtes, la poudre à canon, la brouette, et en ce qui nous concerne ce soir, la bière et le papier, a été inventé par la Chine. Donc une théorie largement répandue attribue le bébé, donc le football, à l'antiquité chinoise, qui viendrait d'un entraînement militaire inventé aux alentours du 3e siècle avant Jésus, qui s'appelait le tsunchu, traduit littéralement par coup de pied dans la pelote sphérique. Donc le football, les amis, serait donc né d'un éternuement de l'Orient. Donc de vulgaire jonglage en solitaire au départ, le tsunchu se transforma et se collectivisa bien avant Mao pour devenir un jeu consistant à envoyer la balle en une balle de cuir remplie de plumes et de poils dans un petit filet monté sur du bambou. Donc, les mains étaient interdites. Donc, les origines sont vagues, mais quelques archives attestent de sa véracité. Des archives qui datent de la dynastie Han. Donc, les Britanniques auraient alors, au milieu du 19e siècle, repompé le Tsunchu pendant leur domination économique de la République chinoise suite aux guerres de l'opium. Et la FIFA légitime cette théorie. Donc pile au moment où l'Empire du Milieu dépense sans compter, Sepp Blatter déclare « Le football est originaire de Chine ». Le deuxième argument, donc, c'est le futur, hein, qui amène une projection plus sombre sur la nécessité de donner le prix à l'art de la guerre. Quelque chose de glaçant, même un petit peu, qui nous rappelle que l'histoire est un roman bien noir. Donc dans une vision d'anticipation sociale, on peut imaginer un avenir proche où toute activité humaine et la guerre civile globale et inter-individuelle ne feront qu'un. Le sport devient alors un jeu de guerre où, à l'intérieur des camps qui s'affrontent, se développe un combat quotidien entre joueurs pour exister. Donc le sport devient alors l'une des activités la plus adaptée au quotidien et à la banalité du mal en sa qualité d'entraînement à la survie. Donc l'orientation du football sera alors disposée à la violence, ses règles incorporant petit à petit autrefois pour des raisons de spectacle dans un premier acte, puis de survie tout court dans un second, les pratiques de divers sports de combat finalement dérégulées et autres parcours du combattant, le fair play serait proscrit, évidemment tricher étant une question de vie ou de mort. Donc le football aurait été à ce moment là sera élevé un art de la guerre qui serait, voilà. Donc voilà pourquoi un ami amoureux du football et amateur éclairé du coaching votait pour l'art de la guerre. Merci. L'art de la guerre de Sun Tzu, le premier livre présenté pour le prix littéraire des bâtons d'Anguirou. Nous verrons par la suite tout court les autres candidats. Premier invité, donc, nous le disions en début d'émission, Sami Mouhoubi, vous êtes l'auteur, c'est celui qui va donc écrire et commettre ce livre idéal ou le livre à ne pas faire de football. Mais parlons de vous un petit peu au départ. On vous présente donc, comme je le disais en introduction de cette émission, comme journaliste indépendant dans les chroniques judiciaires, pardon, et sportives. Ça, c'est tel qu'on vous présente dans le livre Débordement, publié chez Anna Moza. Question facétieuse un petit peu pour démarrer, c'est les affaires judiciaires qui abondent dans le football. N'est-ce pas là la bonne piste pour le livre idéal sur le football? Ah bah peut-être, pardon, il y a effectivement notamment dans l'ouvrage qu'on a donc écrit à trois. Je pense immédiatement à Jean-Pierre Bernès, qui est quand même un personnage dont tout le monde, enfin en tout cas beaucoup de personnes, ne semblent pas trop bien se souvenir de ce qu'il a fait de positif, mais comme aussi bien de négatif. Et là où je suis assez frappé, en fait, et nous l'étions avec mes camarades auteurs et notre éditrice, c'est que on a eu beau essayer de se questionner par rapport au personnage, puisque de toute façon, nous ne détenons pas la vérité. On rappelle un certain nombre de faits et on se pose encore la question. Et là, j'interpelle presque directement nos chers amis de la Fédération française de football ainsi que de la Ligue. Il me semble me souvenir, enfin en tout cas, nous sommes souvenus à base de forces archives et d'autres témoignages, que Jean-Pierre Bernès est présent dans un milieu dans lequel il ne devrait plus vraiment pouvoir évoluer. Alors il y a toute une série d'explications qu'on a pu trouver, et je dis bien entre les lignes, où on nous dit dans un premier temps que le monsieur a payé sa dette, qu'il y avait des problèmes entre la FIFA et la Fédération française de football dont il aurait pu éventuellement bénéficier. Rappelons quand même que c'est un personnage qui est au cœur d'un des plus gros scandales du football français de l'après-guerre. Le fameux match au MVA avec tout ce qui s'en est suivi. Procès retentissant, des personnages ô combien hauts en couleur, du procureur en passant par l'inénarrable Bernard Tapie et bien d'autres. Et ce monsieur Bernès, depuis 1999, il a remonté sa petite boutique avec des joueurs dont il est devenu agent, manifestement le plus légalement du monde. Et pourtant, nous avons... peut-être le mauvais esprit de nous poser la question du pourquoi du comment et comment se fait-il donc que Jean-Pierre Bernès ait pu, comme ça, malgré des décisions de justice, dont une prononcée par le plus haut degré de juridiction judiciaire, c'est-à-dire la Cour de cassation, reprendre pied dans un monde jusqu'à devenir le faiseur de roi, l'agent superstar, en tout cas en France. On se pose la question, on continue de se la poser. Nous n'avons pas la moindre réponse. Nous n'avons pas vu dans les recensions de presse la moindre question par rapport à ça. Et c'est vrai que ça nous a un peu troublés, je dois le dire. Alors on a compris, Samy, que ce livre Débordement, c'est un ensemble d'histoires. D'ailleurs, il est sous-titré « Sombres histoires du football ». Un ensemble d'histoires que vous avez compilées avec vos camarades. On comprend aussi, avec la préface de William Gasparini, que l'idée globale de l'ouvrage, c'est replacer le foot dans un contexte, notamment dans le contexte historique, pour faire en sorte que l'objet football apparaisse comme révélateur d'autre chose. J'ai envie de vous questionner sur une histoire que vous avez principalement vous écrite, qui est celle du mythique Tony Adams, un joueur qui est cher à Magic, tant son style lui a inspiré ses crochets magiques sur les terrains de football. Oui, durant une décennie. Au moins. Je suis passé à autre chose après. Depuis peut-être. Tony Adams, qui était une légende d'Arsenal, un club de Londres. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on écrit l'histoire de Tony Adams ? Est-ce qu'on veut parler d'une époque de football qui est révolue, avec ces joueurs qui buvaient énormément d'alcool ? Est-ce qu'on veut parler de ce contexte de presse très particulier qu'il y a en Angleterre ? On veut raconter quoi, en fait ? C'est un peu tout ça à la fois. C'est-à-dire, Tony Adams, c'est grandeur et décadence, mais en même temps. Ce qui, quand même, relève d'un super challenge. Et pourtant, Arsène Wenger, qui l'a donc coaché quand même un long moment, disait lui-même, je n'en reviens toujours pas que cet homme ait pu faire la carrière qu'il a faite, alors que les trois quarts du temps, il était totalement sous. Que ce soit à l'entraînement, que ce soit au cours de matchs de cup officiels, enfin bref, c'est un gaillard dans son style, faut bien dire les choses. Et en même temps, c'est vrai qu'il incarne, de mon point de vue, enfin de notre point de vue, lorsqu'on a choisi de creuser un petit peu son cas, un football qui est désormais un petit peu révolu, c'est-à-dire une époque où on pouvait boire beaucoup, énormément, tout en alignant des performances à peu près correctes, sans même que ça fasse sourciller les partenaires, l'entraîneur ou les principaux dirigeants. C'est-à-dire que c'était une période où il était vraiment très fréquent en fin de match, dans les vestiaires, de boire à qui mieux mieux, de commencer quelques tourtes à la viande avec des hot dogs bien gras. Autant dire que le régime carotte et poireau n'existait pas encore. Le travail foncier, c'est-à-dire soulever des haltères et être à un poids de forme, ça n'existait pas encore. Il est vraiment l'un des derniers, je trouve, symboliques de ce football anglais qui se fichait éperdument d'avoir quelques kilos de trop, pourvu que l'abnégation et l'allégresse et l'enthousiasme soient présents sur le terrain à coups de tacles dégueulasses, vicieux et de coups de boule distribués pas forcément que sur le ballon. Voilà, c'est vraiment un personnage qui est au carrefour et qui quelque part symbolise le temps d'avant. C'était le bon temps. Ramdam. Alors du coup, replacer, ça c'est une histoire je trouve un peu particulière au sein du recueil. Il y a beaucoup d'autres histoires qui rappellent des moments bien plus douloureux et plus graves de l'histoire globale. On a par exemple ce Matthias Sindelar, qui est ce joueur de la grande équipe d'Autriche dans les années 30, qui va avoir bien des tourments au moment de l'apparition de l'Allemagne nazie dans son pays, notamment. Enfin voilà, on apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression de pouvoir apprendre avec votre ouvrage et avec d'autres qui sont dans cette mode-là, d'apprendre l'histoire avec les petites histoires du football. Comme moi, quand j'étais gamin, j'ai appris la géographie, en fait. En regardant les matchs de Coupe d'Europe, quoi. À peu près la même chose, y compris pour la prononciation anglaise, notamment, avec un peu de rock'n'roll quand même. Mais oui, non, l'idée, en fait, au travers des personnages qu'on a mis en exergue, c'était de vraiment prendre le soin de recontextualiser à la fois les personnages des événements et, au fond, d'essayer d'expliciter en quoi les footballeurs sont le miroir de leur époque. Et ce que ça veut dire, aussi bien auprès du pouvoir politique, là je pense à Edward Stresov qui a quand même fait les frais et beaucoup, qui s'est retrouvé au goulag pendant 3 ou 4 ans. Nous parlions à l'instant de Matthias Sindelar qui, parce qu'il a refusé de porter le maillot de l'Allemagne nazie, finalement en est mort. C'est l'un des chapitres, on va dire, les plus poignants, puisque c'était quelqu'un qui, en fait, à la base, venait de ce qu'était la Tchécoslovaquie, d'origine juive, et il avait un tel attachement à l'Autriche qu'il était hors de question pour lui de porter le maillot de l'Allemagne nazie, Anschluss ou pas. Et bah, pour son plus grand malheur, il y a eu l'Anschluss et lui et d'autres ont été sommés très très rapidement de jouer pour les couleurs allemandes, ce que lui a toujours refusé. Et il l'a tellement refusé qu'il en est décédé. Alors avant de passer la parole à mes petits camarades et de réagir à tout ce que vous venez de dire, je vous pose la question cruciale finalement. Qu'est-ce qu'écrire un livre idéal sur le football et à l'inverse, quel est le livre à ne pas faire? J'ai l'impression en vous écoutant qu'un livre qui ne parlerait finalement que de foot sans rien dire d'autre, ça ce serait le livre à ne pas faire par exemple, aujourd'hui. Samy? Ce serait peut-être un petit peu vide de sens, c'est-à-dire que moi j'ai longtemps pratiqué le foot et j'y suis venu aussi en me nourrissant de certaines lectures, même si je comprenais pas tout, mais c'est ce qui a ouvert certaines portes par rapport à l'apprentissage des capitales, de certains noms, ce qui au fond a déclenché une certaine forme de curiosité. Ce dont s'est chargé le rock'n'roll s'est chargé de prendre le relais bien plus tard, mais je veux dire par là que ça a été une source d'étonnement, d'allégresse, de questionnement et d'apprentissage sans même m'en rendre compte. Et donc du coup, le foot pour le foot, ça me paraît un petit peu, non pas inintéressant, mais un petit peu court. Et par exemple, quand je regarde certaines émissions de télé ou j'entends certaines émissions de radio avec une inflation de chiffres, de pourcentage de passes, de commentaires où Robert passe la balle à Marcel, est-ce que c'est vraiment très intéressant et sans dénigrer pour le coup le fait de vouloir faire vivre une rencontre ou d'essayer d'expliciter ou d'essayer de trouver des pseudo-critères de scientificité pour donner un peu de crédit, et je parle même pas de certains animateurs habillés comme des banquiers, donc ouais, non, effectivement, le football avec un petit peu de... Vous parlez de nous, on est habillés comme des banquiers, c'est ça ? Oui, surtout vous, Emmanuel. Et le livre idéal, alors ? Comment est-ce que vous le concevriez ? Alors là, c'est... Pas sûr. C'est compliqué, le livre idéal, je ne sais même pas si ça existe, mais... Disons des livres où on a le sentiment d'apprendre quelque chose, où on est étonné, ou que ce soit par la construction, par l'écriture, ou par le fait d'exhumer des archives qui étaient jusque-là méconnues, ou de faire témoigner des gens sur un épisode, je sais pas moi, d'un club, ou l'histoire, ne serait-ce que même l'histoire d'un petit club avec ses petites anecdotes, ses histoires de buvettes et d'arbitres de touche un petit peu malmenés le dimanche. Oui, ça peut être rigolo, mais tout dépend comment c'est fait. Non, j'ai pas vraiment de recette, mais je peux avoir des attraits et des sources de questionnement. Après, encore une fois, le livre idéal, alors là... Est-ce qu'il existe déjà, peut-être ? Je pense pas. Il y a des livres, moi, qui, là, je perds encore une fois personnellement, m'ont séduit. Et des livres aussi bien de football, enfin traitant du football, mais aussi bien de manière journalistique, ou en tout cas du foot réel, comme de la fiction. Là, par exemple, je pense à John King et à Football Factory aux couleurs de l'Angleterre, qui, pour moi, est super fort sur le foot et encore plus fort sur... la société des petits blancs londoniens et autres en creux qu'il dessine, où au travers de ses ouvrages on se rend bien compte de ce que veut dire être prolétaire anglais au chômage sans autre source de distraction, pour le bien comme pour le meilleur. Là, je parle du phénomène du hooliganisme, d'alcoolisme et des débordements qui vont effectivement avec. Mais c'est aussi le constat que un sport qui était encore populaire il n'y a pas si longtemps que ça, désormais, pour aller au stade, oui, il faut pas loin d'être trader à la City pour avoir son abonnement à Arsenal, par exemple. Ce qui paraît totalement délirant. Enfin, souvenons-nous de qui composait le principal... beaucoup du public de la finale de la Coupe du Monde en 98 en France. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu... On va peut-être me traiter un peu de démago, mais c'est pas grave, je l'assume. Beaucoup de gens qui étaient en costard anthracite et qui, à mon avis, comprenaient pas grand-chose aux règles du jeu. Mais il fallait être là, il fallait être vu. C'était comme Roland-Garros tous les ans, quoi. Ben oui. Chers amis, est-ce que vous avez envie de réagir à ce que vient de dire Samy autour de la table ? Un commentaire, peut-être, préfet, coach. Est-ce que ce livre pourrait être une grande histoire d'amour ? Une grande histoire d'amour, ce serait peut-être beaucoup dire. Mais oui, non, il y a une forme de à la fois de passion, mais aussi, en fait, on ne voulait pas tomber, en tout cas pour ce qui concerne notre ouvrage, tomber dans le fait de célébrer, de s'extasier, de balancer du palmarès à tout va, du meilleur ceci, meilleur cela. Enfin, tout ce qui fait pour moi l'idiotie, par exemple, de ce qu'on appelle le ballon d'or, quoi. C'est, enfin, pour moi, ça devrait même pas exister. Enfin, plus du tout, quoi. C'est complètement has-been et ringard. Le football, c'est un jeu collectif. On sait tous que oui, pour gagner, il faut marquer des buts, mais il faut quand même avoir une défense solide et autres. Et là, justement, on a essayé de démythifier, ce serait peut-être un gros mot, mais on a essayé de replacer les choses dans leur contexte, en essayant de relater au plus près, avec des faits, avec des archives, avec des témoignages, y compris d'historiens, de personnalités dont on parle quand on a pu les rencontrer quand elles ont accepté de nous parler. Je pense là à Rachid Mekloufi et Robert Herbin. Voilà, j'ai passé un moment fabuleux avec ces deux personnages qui, l'un 80 ans ou 81 maintenant et l'autre 76 ou 77, m'ont absolument ravi. Et j'ai l'impression qu'ils parlent de la même façon qu'ils parlaient il y a peut-être 30 ou 40 ans, que leur enthousiasme est intact. Et en même temps, il y a toujours ce recul, cette distance, cette lucidité et des opinions bien tranchées par rapport à ce que devient, pour moi, ce qui est le point noir, si ce n'est obscène, du football, c'est-à-dire des sommes concernant des transferts de plus en plus délirantes, de plus en plus invraisemblables. Moi, je voudrais, si vous me permettez, revenir sur une chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que chaque joueur pouvait être un portrait de son époque. Je reprendrai bien cette question et vous demander si, aussi en se posant ça, si chaque journaliste ou chaque écrivain qui s'intéresse au football n'est pas aussi un portrait de son temps. Alors, je reviens pour être un peu plus précis sur ce que vous avez raconté de Jean-Pierre Bernès. J'ai cru entendre ou sous-entendre plutôt qu'il aurait des choses à se reprocher, ce monsieur aujourd'hui. Or, je crois savoir, alors peut-être je connais pas l'histoire, mais qu'il a payé sa dette, effectivement. Vous l'avez dit à un moment donné. Et je trouve que aujourd'hui, dans un monde de football où l'argent coule dans tous les sens, on a tendance aussi, les commentateurs, les journalistes, les écrivains, toutes les personnes qui s'y intéressent, à vouloir essayer de revenir à un âge du football où l'argent n'était pas si présent que ça. Et donc, quelqu'un comme Jean-Pierre Bernès, qui aujourd'hui apparemment fait beaucoup d'argent, qui en plus, à un moment donné, a essayé d'en faire avec des moyens un peu complètement immoraux, est-ce que c'est pas aussi une volonté qui appartient à notre temps aujourd'hui de vouloir lui taper dessus? Alors, excusez-moi, mais il ne faudrait pas confondre les choses. D'abord, nous n'avons absolument rien contre le personnage Jean-Pierre Bernès. Simplement, on s'est permis de reposer un certain nombre de questions quant à son parcours. Il est évident que sur le plan pénal, bien sûr, il a payé sa dette. Il le dit lui-même avec force conviction. Bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, il ne s'agit pas de tirer sur une ambulance ou d'administrer des coups de pied de l'âne à un homme qui serait à genoux, ce qui n'est pas du tout le cas de Jean-Pierre Bernès, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, il a repris une licence d'agent dès 1999. On est en 2017. Bon, il a repris son activité. Non, là où nous sommes posés question et nous avons fait de Bernès finalement comme une espèce de cas d'école, c'est que nous nous interrogeons dans ce chapitre, si vous le lisez, sur le fait de savoir... en fait, ce qui est le nœud du problème, c'est que la Fédération française de football ainsi que la Ligue a été totalement absente du processus... presque disciplinaire concernant Jean-Pierre Bernès. C'est-à-dire que Jean-Pierre Bernès a été condamné sur le plan pénal, mais à ma connaissance, c'est ce que nous avons tenté de remettre en perspective. On a essayé d'exhumer le maximum de documents qu'on pouvait trouver, notamment par rapport des archives de l'équipe et d'autres ouvrages et d'autres journaux. Et à notre connaissance, il ne s'est rien passé du côté des autorités de tutelle naturelle. C'est-à-dire que sur le plan sportif, on ne lui a absolument rien reproché. Alors qu'il existe une charte, il existe des textes. Il aurait dû au moins être, je ne sais pas moi, entendu. Il aurait dû y avoir quand même quelque chose à ce niveau-là. Et aujourd'hui encore, quand on se replonge dans les archives de l'époque... on nous dit, là je pense à M. Simonnet, qui fut un temps président de la Fédération française de football, qui disait « Ah oui, mais il a payé sa dette. » Bien. Sur le plan disciplinaire et sur le plan de l'instance qu'il représente, et sur le plan, sportif et même éthique, rien. Absolument rien. Bon, ça me paraît après difficile de vouloir parler d'exemple, d'expliquer aux professionnels qu'il ne faut pas qu'ils insultent, d'expliquer à tout le monde qu'il faut surveiller son langage, etc., etc., etc., quand au plus haut niveau de la pyramide, on se fiche comme de l'an 40 d'un tel parcours. Après, Jean-Pierre Bernès n'est pas le seul. Et encore une fois, dans l'ouvrage, en tout cas le chapitre qui lui est consacré, encore une fois, il ne s'agit pas de s'attaquer à Bernès en tant que personne, mais en tant qu'élément qui grippe quand même le système et qui pose question. Et aujourd'hui encore, enfin, on a l'impression qu'il ne s'est jamais rien passé, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et que... Jean-Pierre Bernès n'est absolument pas en cause par rapport à l'arrivée massive et de plus en plus massive de l'argent dans le football. Ah oui, ça je vous l'accorde, oui, ça bien sûr. Bref, c'est pas non plus un parangon de vertu. Moi, vous ne m'entendez pas, je disais une dernière réaction peut-être du préfet et de Brian à ce sujet-là, et puis après on va écouter le docteur. Oui, justement, on disait tout à l'heure que finalement les livres sur le foot étaient aussi incarnés par des auteurs et par des journalistes qui, pour vous, ça me paraît assez, assez criant, parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine nostalgie qui est inscrite en creux dans ce que vous dites. Pas forcément une nostalgie de « c'était mieux avant, machin, tout ça », on peut plaisanter là-dessus. Mais en tous les cas, en voulant finalement rattacher le football à l'histoire, non plus qu'à l'histoire, au monde, à l'intérieur même du monde. Le football est une chose, jusque dans les années 2000, grosso modo, le football fait partie du monde, donc les joueurs peuvent être pris par la guerre. Par exemple, en Argentine, ils se sont mis au garde à vous lors de la Coupe du Monde, alors que deux mois avant, ils prenaient. Oui, voilà, absolument. Exactement. Le footballeur faisait partie du monde, et ça, même dans votre haine contre Bernès, c'est pas de la haine, c'est de la colère. Mais dans votre petite colère contre Bernès, on vient de parler de Bernès, mais on pourrait parler d'autres personnages. Mais c'est tout à fait symptomatique de ça. Bernès, en fait, est un personnage très intéressant parce que justement, malgré toutes ses fautes et tout ça, il fait encore partie du monde. Il est encore justiciable dans les années 90. Il est condamné, il purge sa peine ou pas. Il est encore responsable de quelque chose vis-à-vis de la société. Non mais là, si vous m'avez bien entendu, pour revenir clairement sur le cas Bernès, on s'interroge quand même beaucoup par rapport aux autorités au-dessus. C'est-à-dire au fait que la Fédération française de football n'a jamais rien dit ni jamais rien fait. La Ligue, j'en parle même pas. Quant à la coterie journalistique de l'époque, alors là, c'est encore pire. C'est à ça, justement, que je veux venir doucement. C'est-à-dire que là, vous dites, bon, Bernès faisait encore partie du monde. Et il en fait toujours partie, plus que jamais. Les footballeurs faisaient partie du monde. Et j'ai l'impression que ceux de maintenant, vous en parlez beaucoup moins, parce que maintenant, avec l'argent et peut-être plein d'autres choses aussi, ils ne font plus partie du même monde que nous. Oui, vous parliez d'Arsenal, où il faut, pour être à Arsenal, il faut être trader maintenant, effectivement. Non, pour avoir un abonnement. Je disais ça parce qu'on relevait, et on le relève dans le livre, que c'est l'abonnement plancher le plus cher au monde. Mm-hmm. Et il me semble avoir vu notamment un sujet diffusé à l'époque sur Canal+, Sport, où il était indiqué, il s'agissait de trois personnes qui n'avaient absolument pas les moyens de se payer un abonnement pour une personne. Et donc, ils choisissaient leur match pour pouvoir éventuellement assister à trois. Ce qui veut quand même dire, ce qui en dit aussi beaucoup sur la ferveur qui continue d'alimenter les stades en Angleterre, mais c'est dire à quel point le sport football populaire... perd beaucoup de gens en route. Et je ne parlerai même pas de l'exemple de Manchester United, où à Manchester, un club s'est créé qui joue en 8e ou 9e division avec les couleurs originelles de Manchester, qui sont les couleurs vertes et jaunes, et où les gens préfèrent se faire plaisir en allant voir cette équipe parce qu'ils estiment qu'il n'est pas question de bourse déliée, d'autant pour aller simplement au stade avec son enfant ou un ami. Exactement. Du coup, j'ai l'impression que le monde des footballeurs, du football devient de plus en plus un monde à part. C'est-à-dire en dehors du monde réel. Dehors... Finalement, j'ai l'impression que l'histoire, maintenant, pourrait plus toucher un Ronaldo. Ronaldo est complètement au-dessus, finalement. Il est dans une espèce d'éther de trucs. Mais c'est quelque chose de très bizarre. C'est l'illustration de ce qui vient d'arriver avec le Footleaks, c'est-à-dire... où on découvre que oui. un certain nombre d'agents ont, à la manière de certains trésoriers et autres amis de l'ex-parti politique, vont vers des sociétés offshore, la mode panaméenne, etc. Vous avez tout à fait raison de le dire. Alors, mais en même temps, par exemple, par rapport au football anglais, enfin moi c'est mon opinion, peut-être n'est-ce qu'un sentiment, mais j'ai quand même encore l'impression que le footballeur, au-delà des sommes qui lui sont allouées dans le cadre de transferts, etc., etc., il y a encore quand même un minimum de respect par rapport à l'institution. Étant fan perso de Liverpool, voilà, on va pas jouer à Liverpool, je trouve aujourd'hui encore, comme on va jouer dans une autre équipe, d'un autre championnat. J'ai encore le sentiment, en tout cas, je veux peut-être y croire, je suis peut-être un peu naïf, mais que on va pas jouer à Arsenal, à Liverpool ou à Tottenham par hasard. Voilà, City et Chelsea, c'est peut-être autre chose. Mais peut-être j'aimerais aussi... entendre, si vous me permettez, j'aimerais entendre un peu Brian qui acquiesce beaucoup depuis le début de cet échange. Mm-hmm. Et rapidement, Brian, et après, on va voir le docteur. Merci. Sans détour, le football est complexe et tortueux. Pour preuve, tout ce qui vient de se dire, argent, sexe et bientôt rock'n'roll. Et je pense que ça nous excite à tous. Yes. C'est qu'au-delà du sport, au-delà du jeu, toutes ces histoires en fait, qui se créent autour des joueurs, autour des arbitres, autour des scènes internationales qui dessinent à la fois ce sport et nos sociétés, eh bien, on aime ça. Je pense qu'il faut être honnête. Ça nous excite. Ces millions d'euros de transferts, de mercato, on ne les refuse pas, on les critique et pourtant on les accepte et à pleine main et on parie même dessus. Alors ce que j'ai beaucoup aimé en attendant maintenant, c'est la géographie. Notamment, j'ai l'impression, j'apprends avec vous, hein, je ne me cache pas, je suis un grand novice, c'est l'Angleterre. L'Angleterre revient souvent. Et contre toute attente, ce que j'ai pu lire en préparant l'émission, c'est que beaucoup de choses viennent de là. Le hooliganisme, le pénalty, les tirs au but. L'Angleterre est vraiment la terre de toutes les nouvelles formes, les nouvelles formules, les nouvelles règles et les dérivés. En même temps, ils ont créé le sport. Hein, donc... Ils ont créé le sport. Ils ont créé les règles dans les règles. Et c'est tellement humain, en fait, ce football, c'est qu'il y a un temps d'avant, il y a un temps de maintenant. On se bourrait la gueule après le match. Ça me fait penser au cyclisme français, bien sûr. Oui. Donc, voilà. Non, le pot belge, c'est pendant. J'ai eu l'impression de se dire que c'était une grosse fiesta quand même. Et c'est normal, il y a une victoire ou une défaite. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait, ce fut le cas du tennis il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, mais. On s'emmerde royalement maintenant. Bon, en tout cas, voilà, on a une évolution. Et donc, forcément, s'il y a une évolution, c'est que on est dans quelque chose qui continue et forcément qui est sociétal. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'il y a toujours l'enfance un peu qui est derrière. L'art de la guerre, c'est un peu la guerre des boutons. C'est apprendre aussi à composer avec l'autre. Et puis, il y a ce « je sais ce que je vais faire et l'autre sait ce que je ne vais pas faire ». Et donc, il y a un jeu comme ça, inconscient, entre les joueurs. Et en fait, c'est très enfantin. Et voilà. Et en tout cas, je l'ai reconnu dans un livre. Et moi, le pénalty, c'est ce qui me, ce qui me, ce qui me plaît essentiellement dans le football. Mais voilà, donc Angleterre, penalty, la guerre des boutons. Ah voilà, un bon scénario pour le livre idéal de football. Complexe et tortueux. Ouais. Et forcément, on apprécie. C'est très lié en fait à une histoire aussi politique. On n'accepte pas des choses, elles sont grossières. Elles sont tellement... C'est pas possible, mais en fait on apprécie. Et pourtant, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est très étonnant. On parlait donc de Bernays. Il faut quand même se souvenir que dans le cadre du scandale OMVA, dont le premier à parler et à dire en fait plus ou moins ce qui s'est passé, c'est Jacques Glasman qui était le défenseur de Valenciennes de l'époque. Lui s'est trouvé complètement tricard après l'affaire, c'est-à-dire que plus personne n'en voulait. Voilà. Je pense aussi à un extraordinaire entraîneur qui s'appelle toujours Zdeněk Zeman, qui est le premier à avoir parlé de problèmes de dopage dans le football italien, le calcio. Et il a été mis complètement au banc par l'ensemble de l'institution, enfin, du football italien, de ses collègues entraîneurs, je ne parle même pas des joueurs, puisque ça a donné lieu au fameux procès de la Juve où tout ça s'est complètement enlisé dans les sables mouvants. Zidane et Deschamps avaient dû s'exprimer à la barre. Bon, le juge Guarinello semble avoir fait son travail, mais ça n'a absolument rien donné. Est-ce que ça a changé des choses par rapport à la pratique du dopage en Italie? Je ne sais pas. J'en sais rien, mais toujours est-il que ce qu'on pourrait considérer comme ayant été à l'époque des lanceurs d'alerte, en l'occurrence, c'est eux qui ont tout pris. Et c'est eux qui se sont trouvés littéralement carbonisés. Est-ce que c'est bien normal? Est-ce que c'est bien moral? Est-ce que c'est bien éthique? Là, je pose la question à la Fédération française de football pour Jacques Glasman, par exemple. La morale et l'éthique sont les affaires du docteur Lehmann dans cette émission. Et je voulais savoir si, cher docteur, vous nous entendiez. A priori, la liaison n'est pas très très bonne. Je vais d'abord passer la parole à Poncharella pour voir comment tout se passe pour vous. Est-ce que le tweet, ça marche? Est-ce que... Un petit tweet peut-être. Et puis, je vous laisse tout de suite la parole dans la foulée. Pour le prix des bâtons d'Anguirou, vous avez amené un livre. Vous avez une minute pour convaincre nos auditeurs. On vous écoute pour tout ça. Très bien, c'est parfait. Alors, ça tweet sec. Je vais peut-être vous faire une petite lecture. Commencer. Alors, l'attaque morte, un départ au taquet, une fatigue, des épaules, c'est faire quelque chose de nouveau, en être heureux, c'est partir sur les chapeaux de roue. Plumes, poils, cuir. Sans les mains, toute activité humaine est une guerre, le genre d'un combat quotidien, les lois se métamorphosent, fortes. Un débordement, une lecture entre les lignes, un regard tournant les surfaces, une attente, les informations viennent, s'organisent et vivent. Objet football révélateur, la pelouse fixateur, tous les filtres, des agrandissements, des cadrages, des moments légendaires, sans sourciller. Je vais peut-être m'arrêter là si... C'est le moment de parler de votre livre, cher Esther. Ah, très bien. Alors, j'ai amené un petit livre d'un auteur qui vient de nous quitter le 18 janvier, qui s'appelle Hubert Lucot. Et c'est un petit ouvrage qui est sorti aux éditions de l'Attente. En 2004, c'est un petit livre, c'est un beau petit objet, et il y a un motif assez intrigant sur la couverture. Voilà un rond fait rapidement, divisé en 7 parties, et on distingue d'une manière écrite vraiment à la main, à la chinoise, tir au pluriel, en dessous, en bas, l'arme au pluriel, et vers la droite, fric. Donc, je vais vous en faire une petite lecture, pas forcément dans l'ordre des pages, et c'est volontaire. En Paris, le 28 décembre 1999, 12h. Chers océanographes, Paris-Saint-Germain n'est pas la capitale de la France, tant s'en faut. Paris tout court est une ville étrange. Les rues sont plutôt bien éclairées, mais le soir, une multitude de cyclistes et de rollers naissent de la nuit et y retournent. Interrogés, les Parisiens disent ne pas se soucier de la terrible bataille PSG-Lyon du 11 janvier, ni se souvenir de la défaite devant Auxerre. Sedan, le 30 décembre 1999, 12h. Bien chers océanographes, remonter la France de l'Est n'est pas si facile que ça. Les Sédanais sont d'autres Stéphanois. Leur humilité fait plaisir à voir et ils affectionnent le verre. Aussi, la rencontre du 11 janvier sera chaude, mais sans violence. Encore deux petits extraits. Je sais que je n'ai qu'une minute. Marseille, le 30 décembre 1999, 19h. Chers océanographes, la descente de la France côté est, du nord au sud, m'a fait sentir l'horreur des profondeurs du classement. Marseille se tord dans cet enfer, à même le trottoir. Les Marseillais se tapent la tête contre le bitume. Le péché d'orgueil apparaît. Mais la chaleur méridionale n'a pas disparu. On m'a laissé poser mon hélicoptère dans la cour de la Vieille Charité où Emmanuel Ponsard lui-même m'a accueilli en précisant que nous parlerions de tout sauf de football. Est-ce que j'ai encore une petite minute ? Allez, une petite minute encore, non, une petite seconde, Esther. Donc, très rapidement, c'est un livre que je trouve extrêmement piquant parce qu'il a le charme de mettre des dimensions en relation, des points de contact, en fait, entre la forme épistolaire, l'adresse aux océanographes. Et donc, on comprend que nous sommes dans une véritable descente dans l'enfer du classement. Avec il se déplace en hélicoptère et c'est un moyen de transport qui plisse le territoire. Et je trouve que cela crée une dimension étrangement sentimentale ou géographique au football. Voilà. Dans l'enfer des profondeurs, Hubert Lucot, c'est le deuxième livre proposé pour le prix des bâtons dans Guirou littéraire international de football et tout. Docteur, est-ce que cette fois-ci, vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Merveilleux, nous aussi, c'est merveilleux. Alors docteur, expliquez-nous votre état d'abord et l'ampleur de votre chronique aujourd'hui qui va, je crois, mettre nos invités et membres du dispositif à contribution. Eh bien, je me félicite aujourd'hui de la nature du débat. Un débat un petit peu houleux, il est vrai, mais une fois n'est pas coutume, il est bien heureux d'avoir des invités d'une telle qualité, des chroniqueurs exceptionnels. Et je me félicite de prendre un petit peu de hauteur, tout de même, de mon île, en me permettant de vous faire la leçon, peut-être, en vous proposant une petite dictée. Et oui, dictée, puisque football apostrophe dit dictée. Bien sûr. Voilà. Alors, je crois que tout le monde est prêt. Tout le monde a son stylo dans le studio. Et voilà. Ça, y a pas de Alors, papier, je vais vous faire une première lecture. Une première lecture et ensuite seulement, vous pourrez commencer à écrire. C'est parti. Exorde. Le transfert d'Ilan. Céline ne boive la coupe que pour l'accompagner. Marco Van Basten s'est-il mu en batave volant. Soudainement pourvu d'elle, l'icône néerlandaise enfile le brassard d'un cygne noir nommé Cruyff. Crépuscule d'une ère de la guerre, où les mercatos font claquer les persiennes et cramer les tiroirs caisses. Usant la peau de l'homme en noir, l'attaquant mal achalandé faisait le butor, butant contre une muraille, Tema Yachine. Lève la jambe, le chassier à la droite au but, en prenant son pied d'appui à 10m15. Sifflet n'est pas jouet, écrit l'homme de touche à tout hasard, quand la cage inviolée tremble encore du souffle d'un sirocco si frais, dit-il en riant. Tempête, brie, gîte, là est le drame de la navigation à vue. En effet, dans le pré, le bonheur nous préserve, hâtif, des lenteurs de la marine déchaînée. Au pays des vaches hollandaises, le pirate souvent la bouche béante du veau sous la mer. Suce à la patrie, que le lait bouillant n'emplisse nos serves, eau disponible, cruche prête à déborder. Les gaz ont surcoté la partie et annulé l'amène paire de défenseurs. Puisse le goal au goal, haut de la canne, secouer la tribune, et pimenter les annales du jeu de loi. Alors docteur, on est parti pour la première partie de la dictée. Elle est où, loi ? Oui, moi j'ignorais que vous étiez un lointain parent de Maître Capello. Oui, docteur ? Oui ? Vous m'entendez ? Oui. Il est excellent votre texte. Mais est-ce qu'on pourrait faire juste le premier tiers ? Bien sûr. Parce que je crois que tout le monde ici est paniqué à l'idée du nombre de fautes qui va pouvoir. Le dernier quart est pas mal. Mon stylo pèse lourd. Ouais, alors on peut choisir le dernier quart si on préfère, oui. Ouais, on va faire deux. Eh oui, parce que le dernier quart pour rentrer avec, ça va bientôt s'arrêter. On va faire deux parties, cher docteur. Une première partie maintenant et on vous rappelle un peu plus tard pour la deuxième partie de la dictée. Ok. Alors on vous écoute. Exorde, 2 points. À la ligne. Exorde, 2 points. À la ligne. Le transfert d'Inan, virgule. Le transfert d'Inan, virgule. D'Inan. C'est Li ne boivent la coupe. Non, je... Et Li ne boivent la coupe que pour l'accompagner. Je n'ai pas compris. Et Li ne boivent la coupe que pour l'accompagner. Pardon, Doc, t'aurais pas une version pour les sourds, s'il te plaît? Et il n'est pas seul à boire, apparemment. Ça triche pas mal hein, sur le plateau, docteur. Je le transfert d'Inan, virgule, c'est Li ne boivent la coupe que pour l'accompagner. Et ça marche pour la coupe aux lèvres ou... La coupe aux lèvres. Et pour l'accompagner. Ah, l'accompagner. Marco. Je relis. Exorde, 2 points. Le transfert d'Inan, virgule. Ses lits ne boivent la coupe que pour l'accompagner. Point. I'm sorry, I don't speak French. Marco Van Basten. Ça, on tient. Marco Van Basten s'est-il mu en batave volant? Point d'interrogation. Marco Van Basten s'est-il mu en batave volant? Point d'interrogation. Je pensais les insultes proscrites hein, sur ce studio, dans ce studio. Soudainement, pourvu d'elle, soudainement, pourvu d'elle, virgule. Soudainement pourvu d'elle, virgule. L'icône néerlandaise enfile le brassard. L'icône néerlandaise enfile le brassard d'un cygne noir nommé Cruyff. Point. L'icône néerlandaise enfile le brassard d'un cygne noir nommé Cruyff. Point. Soudainement, pourvu d'elle, virgule, l'icône néerlandaise enfile le brassard d'un cygne noir nommé Cruyff. Point. Ce sont des phrases extraites du Reader Digest 1976 ou... Du Reader Digest. Exactement. Exactement, mon cher. Non, mais la technique, c'est que tu écris une phrase et tu retires un mot sur deux après. Crépuscule d'une ère de la guerre, virgule. Oula. Crépuscule d'une ère de la guerre, virgule. Quel supplice. Crépuscule d'une ère de la guerre, virgule. Où les mercatos font claquer les persiennes. Ah oui, quand même. Non, on avait où dit les mercatos font claquer les persiennes. On avait dit pas l'Iran. Et cramer les tiroirs-caisses. Point. Crépuscule d'une ère de la guerre où les mercatos font claquer les persiennes et cramer les tiroirs-caisses. Point. Deux phrases seulement pour cette première partie. Soyons concentrés encore un petit moment, chers amis. J'ai piscine. Usant la peau de l'homme en noir, virgule. Usant la peau de l'homme en noir, virgule. L'attaquant mal achalandé. L'attaquant mal achalandé faisait le butor, virgule. Quoi ? Michel. Usant la peau de l'homme en noir, virgule. L'attaquant mal achalandé faisait le butor, virgule. Achalandé. Butant contre une muraille, Kema Yashin. Oh là là, j'ai perdu là. Butant contre une muraille, Kema Yashin, point. Usant la peau de l'homme en noir, l'attaquant mal achalandé faisait le butor, butant contre une muraille, Kema Yashin, point. Kema Yashin. Dernière phrase. C'est du japonais. Parce que Yashinui, mais... Lève la jambe, virgule. Lève la jambe, virgule. Le chat tiède à la droite au but. Voilà. Oh. Autant de génuflexions que vous voulez, mais pourvu que ce soit à la fin. Le chat, pardon, docteur. C'est une proskinèse. Lève la jambe, virgule. Le chat sied à la droite au but, virgule. Le chat sied ou... En prenant son pied. À la droite au but. Lève la jambe, virgule. Le chat sied à la droite au but, virgule. En prenant son pied d'appui à 10 mètres 15, point. Lève la jambe, le chat sied à la droite au but, en prenant son pied d'appui à 10 mètres 15, point et fin de cette première partie. Putain. Merci docteur, merci infiniment. Merci. On vous retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Et nous faisons une petite hola. Merci à jamais. Et une petite pause musicale surtout. Oh, j'ai mouru. I see 3,000 cameras pointed at me. Dude says you Levi. I'm like, yes, that's me, sir. Well, you just knocked up the VP nominee's daughter. So I tell him, no, you got it wrong, mister. Already got a girl, and her name's Bristol. Say, where you been, sonny? Your mother-in-law's a heartbeat from the presidency. So I say, mother-in-law, no, we ain't getting married. They say, soon you will, boy. She just announced it. I get on my dirt bike and ride to my girls. I'm gonna lay down. Some fishing and kill some moose. C'est bien des bâtons d'Anguirou, foot apostrophe ce soir, trois invités littéraires magnifiques, un plateau comble et un dispositif au top. Je crois que la dictée du docteur Lehmann précédemment énoncée, du moins sa première partie, a un peu séché tout le monde. Les gens, les invités, les membres du dispositif reprennent leur place petit à petit dans le studio. Magic, vous avez l'air de souffler. L'exercice a été, je pense que vous en sortez plutôt bien, mais belle concentration pour cette dictée. J'ai rarement connu dictée plus facile. Ça faisait longtemps que je n'avais pas éprouvé le sentiment du devoir de l'effort. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois bien ce que vous voulez dire, mon cher Magic. Voilà. Vous allez bientôt avoir la parole, puisqu'on va passer maintenant à la partie éditoriale de notre émission. Mais avant ça, on revient au prix des bâtons d'Anguirou littéraire. Et c'est Brian qui va tenter de nous convaincre avec son ouvrage, une minute, pour nous parler de l'ouvrage que vous nous proposez pour ce prix, Brian. Avec plaisir. Eh bien, l'enfance et le football sont pour moi, en tout cas, les pénalties. C'est ce moment ultime de stress et de jouissance. Donc j'ai choisi un livre de Pierre Rondeau. Le titre est très long et je n'ai toujours pas compris ce qu'il voulait dire, mais il n'empêche, le contenu est magnifique. Pourquoi les tirs au but devraient être tirés avant la prolongation, édité au bord de l'eau. Alors... Et là, on apprend beaucoup de choses, hein, notamment que le 5 août 1970, en Angleterre, est tiré le premier pénalty. C'est venu, en fait, pour contrer le pile ou face qui était de rigueur avant cette date. Et, encore une fois, l'Angleterre est à l'honneur, puisque ce premier pénalty est tiré avec Manchester United face à Hull City. Moi, ce que j'aime dans ce livre, c'est que l'auteur est un passionné d'économie. Et pour moi, on est bientôt dans une espèce de philosophie. Cantona m'apprend encore une fois une chose à travers cette citation. Et je pense qu'elle résume assez bien, en tout cas, la première partie du livre, si vous le permettez. Cantona va tirer. Ma première pensée a été de loger la balle dans le côté opposé du premier tir. Mais j'ai réalisé que le gardien allait se dire la même chose. Alors j'ai décidé de tirer au même endroit. Seulement, le gardien devait sûrement se dire que je savais qu'il savait. Alors j'ai de nouveau changé de stratégie. Sauf qu'il pouvait savoir que je savais qu'il savait. Alors, vous savez quoi? La vérité, c'est que j'ai juste tiré le penalty. Et dans cet ouvrage, ce qui est absolument inattendu, c'est qu'on passe de Cantona au Patagone. oui, vraiment. Et on en apprend énormément sur une théorie à la fois économique, stratégique et philosophique, qui est le Minamax. Le Minamax renvoie à la minimisation des gains adverses et à la maximisation de nos propres gains. Il faut gagner tout en détruisant les succès ennemis. Chaque joueur dans une partie cherche avant tout à minimiser le gain maximum du joueur adverse et à minimiser sa perte maximum induite par l'action symétrique du rival. C'est une logique. Et en fait, c'est comme un gâteau qu'un papa doit partager entre ses deux enfants. Eh bien, il laisse le gâteau à partager entre l'un des deux. C'est-à-dire que l'un des enfants aura dans la main le couteau qui partagera le gâteau, mais celui qui aura la part choisira sa part. C'est-à-dire que, in fine, les parts seront égalitaires. Et ce qui a été dit auparavant à propos du hasard, eh bien, le hasard, il est une question de hasard. Moi, je trouve ce livre vraiment, vraiment précieux parce que... À chaque moment, le pénalty, un peu dans notre société, en tout cas tel que je la vis, en fait, il est présent. Et comme le dit Cantona, en fait, je me pose des questions, mais en même temps, j'agis. Point barre. J'ai beaucoup de questions à me poser. Je me projette. J'ai un stress. Et en fait, je n'ai qu'à agir. Et le jeu même du football, comme vous le disiez tout à l'heure, mes chers amis, compatriote, ami, ami, joueur, eh bien le jeu ne devient plus collectif. En fait, tout repose sur un seul homme. Et tout le stade repose sur ce seul geste. Et je trouve ça assez formidable qu'il se crée un jeu dans le jeu, que le pénalty existe par ses propres règles et détermine complètement un match. En tout cas, moi, enfant, ce que j'aimais dans le football, c'était le penalty, et c'est pourquoi j'ai choisi ce livre. Vous nous en rappelez le titre, mon cher Brian. Il est très long, et c'est pas la première fois que je croise un titre aussi long pour un livre qui traite du penalty. Écrivez, c'est la dictée, hein, Vince. Oui. Pourquoi les tirs au but devraient être tirés avant la prolongation ? J'ai toujours pas compris, mais le contenu en vaut vraiment, vraiment la balle. Merci mon cher Brian. Magic, à vous la parole. On passe à la partie éditoriale de cette émission, avec cette idée toujours en ligne directrice un peu, le livre idéal de football, le livre à ne pas faire. Et c'est avec notre éditeur ce soir, le préfet, que vous allez converser maintenant. Oui, alors tout à l'heure on avait l'avis d'un écrivain, on va passer à notre niveau de la fabrication du livre. Et donc, de l'éditeur, mon cher Philippe, vous êtes donc éditeur. Moi, je voudrais tout d'abord que vous puissiez rappeler et imaginer que vous parlez à des jeunes qui ne savent pas ce que c'est que ce métier d'éditeur. Essayez d'imaginer que vous avez envie de leur donner envie de devenir éditeur. Et dites-nous ce que c'est véritablement que le travail d'éditeur, d'abord. Le travail d'éditeur, c'est quelque chose d'assez passionnant, qui consiste à trouver des auteurs sous le sabot d'un cheval, généralement, et à les fouetter pour qu'ils fassent des livres. D'accord. Alors, sous le sabot d'un cheval, pardon, c'est-à-dire que vous choisissez des livres selon un intérêt qui est lequel ? Le mien. Voilà, exactement. Et n'est-ce pas là tout l'intérêt de ce métier-là ? C'est-à-dire que dans ce métier-là, il y est réservé une part d'ego, si je peux... C'est pas une part d'ego. C'est à ce niveau-là, c'est des Lego, carrément. Absolument, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tu es juge, partie, contradicteur, avocat et procureur. C'est ça qui fait plaisir. Après, paraît-il, le public, enfin, il paraît hein, que le public aurait son mot à dire en achetant plus ou moins un livre. Bon, ça c'est un détail. Il ne s'agit pas là de la question de l'argent et du nerf de la guerre. Non, pas du tout. La question de l'argent, bon, c'est une question qu'on peut poser parmi d'autres. Mais l'avis du lecteur et du client, il suffit d'avoir un ego assez développé pour ne pas s'en soucier. Penser que l'autre a tort, enfin, s'il n'achète pas ton livre. Et il a raison s'il l'achète. Enfin, ça me paraît tout simplement logique. Alors, est-ce qu'un éditeur lambda, normal, blanc, aurait intérêt à parler de football, par exemple ? Alors, voilà, ça c'est tout le paradoxe le plus complet. C'est-à-dire que le football est quand même un peu un crime contre l'écriture, puisque ça se pratique avec les pieds. Et bon, oui. si vous avez déjà essayé avec les pieds d'écrire, c'est très peu lisible. J'en connais. Hein, n'est-ce pas ? Et par contre, ce qui est tout à fait logique aussi, c'est que le pratiquant du football s'en tamponne complètement de lire, en règle générale. Même sur le sujet du football, d'ailleurs. Il entend, il écoute, mais il ne lit pas. Ses yeux sont uniquement rivés sur le ballon, qui est en noir et blanc, mais plus trop maintenant aussi. Donc, du coup, il perd ses valeurs, le noir et blanc, donc l'encre sur le papier, tout ça. Il perd complètement ça. Et il ne voit plus que des dessins, des ronds, mais plus de lettres. Et du coup, il s'en fout. Oui, alors là, on a une forme de contradiction, de dilemme, ou je ne sais pas trop comment l'appeler. Mm-hmm. Le football, effectivement, et cette chose que l'on soit, que l'on pratique, c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes sur un terrain avec un ballon, d'autres personnes, et on a des règles, et on essaye de... Bon, et là, la littérature, elle est très loin. Soit on est dans la position de celui qui regarde tout ça. Exactement. Et donc, c'est une activité visuelle. Exactement. Alors, on n'en a pas trop parlé tout à l'heure avec Samy, mais alors, ce qui est intéressant quand on regarde, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Alors qu'un livre traitant de football, qu'on le pose ou qu'on le prenne à n'importe quel moment de la journée, la chose qui est à l'intérieur existe déjà. Exactement. Ne peut pas changer. Voilà. Et donc ça va totalement à l'encontre de l'esprit du sport en général et du football en particulier. Voilà. Donc il faut être un peu, si on veut bien faire ce métier d'éditeur en tant que tel, vis-à-vis du football, un peu... dérangé. Bah, un peu suicidaire, en fait. Ouais. Si on veut absolument publier un livre sur le football qui s'adresse à des gens qui ne voudront pas le lire, de toute façon, éventuellement qui voudront l'entendre. Alors dans ce cas-là, ça nécessite de faire un livre audio que vous diffusez durant un match de foot. Ah oui. Mais alors là, ça oblige, par exemple, à phagocyter TF1, par exemple, à remplacer la bande-son du commentateur par la lecture du livre, oui. Ce qui permettrait effectivement une audience importante et, pour le livre. Parce que, bon, le moindre match de foot est vu par des millions de personnes. Le moindre livre, même pas de foot, est lu par des dizaines de personnes. Donc, on n'est pas dans les mêmes proportions. Oui. Hein, c'est... Par contre, effectivement, le diffuser en audio, pendant un match, international de préférence, je pense que éditorialement, ça aurait une véritable portée qui permettrait peut-être, après, de vendre du papier. D'accord. Est-ce que vous venez, pas justement là de définir, de donner une réponse à la question qu'on se pose pour cette émission, à savoir, n'est-ce pas là, le livre idéal du football. Oui, le livre idéal du football et sur pour le footballeur, ce serait comme comme le médicament qui a bon goût, la piqûre qu'on ne sent pas. Hein. Ça serait exactement. Ça, c'est-à-dire le livre qu'on ne voit pas et pourtant voilà. Qu'on a lu sans le savoir. Parce qu'il reste, il faut l'avouer tout de même, mon cher Philippe, que parmi tous les livres qu'on a évoqués ce soir, et n'en déplaise à leurs auteurs et aux personnes ici présentes, mais tous les livres dont on a parlé ce soir restent que des livres. Et oui, c'est bien l'inconvénient. Voilà. C'est, d'ailleurs, quand on a ce grand penseur devant l'Éternel, nous l'explique. Je n'ai pas pensé. Exactement. J'ai agi. Voilà. Voilà. Or, bon, le livre, qu'est-ce que c'est sinon quand même une invitation à penser. Hélas. Et ça, c'est très encombrant pour le monde du football, pour un footballeur. Le football, bon, quoi qu'on en dise, c'est quand même vaguement un crime contre l'intelligence. Il ne faut pas être intelligent pour faire du foot, il faut être malin, c'est pas la même chose. Donc, le livre n'a rien à faire là-dedans. Il doit être homéopathique. Il doit s'insinuer comme ça entre les doigts de pied, je dirais. Même si je puis me permettre, cher préfet, éditeur, dictateur, que je révère et respecte, le football est quand même sorti depuis quelques années. Là, je parle plutôt en France, parce qu'en fait, il y a quand même une tradition en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Enfin voilà, le football est très présent. N'importe quelle copine anglaise, italienne, allemande, si je lui parle d'un club, elle sait de quoi on parle. En France, un petit peu plus, c'est pas encore tout à fait le cas, mais un petit peu plus. Donc le foot est sorti d'une espèce d'ornière comme ça... où en fait aimer le foot c'était forcément être un gros beauf, débile, indélicat, brutal, machiste et crétin. Il me semble que depuis 1998, alors pour la bonne ou la mauvaise cause, ça c'est à chacun de voir, le foot est sorti un petit peu de cette ornière, oui. Voilà. Mais justement, on en est témoignage. Donc du coup, peut-être que certaines lectrices, certains lecteurs sont peut-être davantage à même de éventuellement jeter un œil au moins sur la quatrième de couve, sur un bouquin qui traiterait un petit peu de foot au-delà des images. Alors là, non. Tu fais preuve d'un optimisme. Non, d'une naïveté à laquelle je tiens. Oui, mais naïveté et optimisme vont ensemble. C'est ça qui est magnifique. C'est ce que j'aime chez toi. Ces talents que tu as envers les clubs anglais. On sent bien que l'Angleterre. Non, pas les clubs anglais. Le Liverpool Football Club. Oui, au passage. Et bon, les autres, presque aussi Manchester. A quand un gros mot. Un peu. Everton, peut-être même. Oui. Oui, bon, ça va encore. Non, donc je sens ce désir en toi de ce que le sport vive, que le foot vive dans les âmes même, le foot soit quelque chose comme un peu tout dans le monde. Mais c'est-à-dire c'est le football total en Angleterre justement, cette fameuse expression, voilà, le Cruyff, l'Ajax, on attaque, on défend tous ensemble et ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même. C'est le duo infernal en Angleterre, c'est le couple, quoi. C'est le rock'n'roll et le foot, quoi. L'un va pas sans l'autre. On n'a pas le rock'n'roll en France. C'est ça le problème. Non, c'est vrai que, comme disait John. Le rock'n'roll, on n'y connaît rien quand on a Johnny Hallyday, franchement. Je suis assez d'accord. C'est vrai que quand on interrogeait John Lennon à l'époque à propos du rock français, on lui disait mais qu'est-ce que vous pensez du rock français? Il lui disait bah, c'est à peu près comme le vent anglais. Voilà. C'est vrai. Mais. Bon, et il pourrait y avoir une forme de ferveur, etc. Et c'est pour ça que je parlais de l'Angleterre, c'est que ça va ensemble. Il y a quelque chose qui... Tu vas dans n'importe quel stade, la musique au moment où les joueurs rentrent sur le terrain, bah, c'est les Beatles, c'est Madness, c'est Joe Strummer, bref, voilà quoi. Ça a autrement plus de gueule, mais, je trouve, qu'effectivement en France. Effectivement, pour revenir sur le livre idéal sur le foot, moi j'y avais pensé un petit peu aussi, quand même. Il m'arrive parfois. Et j'étais parti de ce qu'il ne faut pas faire, justement, des trucs. D'ailleurs, par exemple, un livre de supporters. On en parlait tout à l'heure, que sur un truc, un club de parti pris, où il y a les photos de l'équipe de 1962,5, et ainsi de suite, où il n'y a que ça, et où finalement ça s'adresse à très peu de monde. Mais le foot, je trouve que c'est aussi vachement totalisant. Alors ça, il ne faut pas le faire. Mais si ça n'y est pas dans un livre de foot, ben ça manque. Il faut que ça y soit quand même. Ah oui. D'accord. Voilà. Et puis un livre de foot qui parlerait. Vous voulez dire d'un côté partisan quand même toujours. Il faut forcément. Si ça y est, s'il n'y a que ça, on s'ennuie. Mais si ça y est pas, c'est pas bon. Il faut toujours se prononcer. Alors pas forcément pour ou contre quelque chose, mais se donner un avis, un point de vue, un angle de regard sur les choses bien particuliers et bien ciblées. Oui. Exactement. Il faut que le livre de foot soit capable d'englober tout le foot et toute la société en même temps. Pour ça, d'ailleurs, qu'en tant qu'éditeur, moi, j'aime bien avoir plusieurs livres, donc je pense qu'une collection est absolument obligatoire. On ne peut pas faire un seul livre de foot. Ce qui va être important, c'est les différents éléments, au moins 11. Au moins 11. Au moins 11 livres sur le foot. 11 différents. Qui parleraient de 11 footballeurs différents, par exemple. Mais qui eux-mêmes représentent toute la société dans son ensemble et l'histoire même. Mmh. Et voilà. Alors, cher préfet, je me permets de reprendre la parole. Et je voulais d'ailleurs, parce qu'on avait parlé de ça en préparant cette émission, de cet aspect collectif de la collection qui, en tant qu'éditeur, vous intéressait pour l'objet de football littéraire parfait. Et vous en avez parlé de vous-même, donc c'est très bien. Je voulais juste vous faire parler un petit peu deux secondes de votre maison d'édition, les éditions Vanloo. peut-être vanter un titre en particulier, et notamment un qui m'est très cher, le dernier, celui de Fernand Fernandez, Les textes alimentaires, je crois de mémoire le titre. Texte alimentaire de Fernand Fernandez, donc le dernier sorti des presses et des méninges à la fois de l'éditeur, mais surtout de Fernand. Donc, on a 11 textes. Ah. 11 textes alimentaires qui partent sur le concentré de tomates et qui finissent par qu'est-ce que le réel ? 11 interrogations de quelque chose qui se mâche, de quelque chose qui se bouffe, de quelque chose qui se dévore. C'est la langue de bœuf, évidemment, mais la langue du texte qui se travaille, qui dénoue systématiquement des choses qu'elle extirpe du réel et de la, plus que de la mastication, de la digestion des corps et de son propre corps. Brian, je vous ai vu une fois de plus beaucoup réagir pendant la prise de parole du préfet. Ah oui. Je vous laisse la parole et après on va écouter les tweets de Puncherella. Rapidement, étant donné que nous parlions aussi de football total, de livre idéal, à mon goût, ça me semble un peu exagéré. C'est comme les mots art total. Idéal. J'ai l'impression, en fait, moi, c'est presque totalitaire, quelque part. Parlez bien dans votre micro, Brian, s'il vous plaît. C'est presque totalitaire, quelque part. Art total, football total, livre idéal. Eh bien, pour ma part, un livre idéal n'existe pas. Il n'existe pas. Cependant, ce que j'apprécie, c'est de donner au livre un nouveau souffle. Grâce au football ou à la poésie. Par exemple, dans mon esprit, ce serait de faire un livre sur les sifflets. C'est tous ces sifflets qu'on peut entendre quand un joueur sort ou quand un joueur entre sur le terrain. Il y a des sifflets qui sont tellement particuliers, tellement propre à chaque équipe. Eh bien, mon livre serait titré « Sifflet », avec aucune image en première de couverture, mais qu'avec des photos de bouche, ensuite, sur toutes les pages. Et le seul plan large qu'on pourrait avoir, ce serait en première page, celui d'une tribune. Puis, ensuite, un texte qui accompagne, en fait, le propos du livre. Et après, on n'aurait que ces images, en fait, de bouche qui siffle. Et un CD dans lequel on aurait gravé tous les sifflets les plus puissants et les plus longs, les plus porteurs ou alors les plus dramatiques du football. Donc, en fait, le livre viendrait des gradins. Parce que, en fait, on oublie souvent le public. On l'associe à des benets, on l'associe en fait à des familles, à des gens comme ça. Mais ce sont des gens qui donnent énormément d'émotions. Et le sifflet, comme tout à l'heure pour le penalty, en fait, c'est des moments intenses. Dire qu'on va huer, on va apprécier, on va renier des autres. Et à mon sens, il faudrait pas faire la passe là-dessus. J'ai dit. Préfet, une petite conclusion à ce moment, parce que je trouve que Brian a amené un peu de poésie après tout ce fiel et cette naïveté qui se sont rassemblés à un moment donné, et voilà. C'est cette poésie du sifflet me sidère, parce que il a tellement raison. Tellement on entend les sifflets tomber des tribunes, le petit duo de sifflets de l'arbitre annonçant la fin de la mi-temps, la fin du match, et cette réponse qui se fait entre les tribunes et le terrain. Et effectivement, on disait que les spectateurs sont peu à peu chassés du stade, en tous les cas les supporters et tout ça sont peu à peu chassés des stades par des prix et tout ça. Et que, oui, à un moment donné, le sport, le foot a eu une fonction. Et c'est sûrement une fonction d'alerte aussi, avec ce sifflet-là. Ponchorella, vous n'avez pas beaucoup réagi pour l'instant à tout ce débat. Qu'est-ce que ça vous évoque et qu'est-ce que ça vous tweetote peut-être ? Oui, moi je rassemble en fait des sensations, donc je parle par mes tweets. Quelques petits tweets. Allez. Un miroir, une équipe, des capitales, des curiosités, le rock, des dimensions, un livre, des apprentissages, des constructions, des archives. Une question de creux, un portrait, des débordements, une montée des enchères, moins d'ascension à partir du terrain, des transferts en or. L'histoire s'éloigne. Qui touche-t-elle ? Il y a un style est une ville est sans détour, ça nous excite à pleine main. Domaine connexe, la simplicité c'est une logique, une stratégie, les questions sont des actions, tout repose sur un seul geste, le pénalty. 11 interrogations sur ce qui se mâche, se dénoue, une langue à mon goût, une bouche qui siffle, des bouches, une clé de voûte. Docteur, vous nous entendez ? Oui, allô ? Vous venez d'entendre Ponchorella, je pense, comme nous tous. Au secours. Allô, docteur ? Oui, je vous entends mal, mais est-ce que vous m'entendez ? Nous, on vous entend très très bien. Quel est le préfet, vous, qui est quand même une de vos plus belles relations de l'année dernière, vous fait des petites facéties de papier devant le micro. Qu'est-ce qu'on fait, docteur ? Est-ce qu'on poursuit cette dictée ensemble ou est-ce que vous voulez vous-même apporter votre pierre à l'édifice de ce débat ? J'ai du mal à vous entendre là d'où je suis, mais donc je crois que je vais continuer la dictée, même si le débat m'a l'air vraiment formidable. Hein. Là, j'ai rarement entendu ça d'ailleurs, puisque comme vous le savez, je ne vois pas là d'où je suis. Alors je vais reprendre. On vous écoute. Sifflet n'est pas jouet, virgule. Sifflet n'est pas jouet, virgule. S'écrit l'homme de touche à tout hasard. S'écrit l'homme de touche à tout hasard. Sifflet n'est pas jouet, virgule. S'écrit l'homme de touche à tout hasard, point virgule. Sifflet n'est pas jouet. S'écrit l'homme de touche à tout hasard, point virgule. Quand la cage inviolée. Quand la cage inviolée tremble encore du souffle. Quand la cage inviolée tremble encore du souffle d'un sirocco si frais. Dis-nous quand la cage. Un violet tremble encore du souffle d'un sirocco si frais, virgule, dit-il en riant, point. Ha ! Umberto Todi. Quand la cage, un violet, tremble encore du souffle d'un sirocco si frais, virgule, dit-il en riant, point. Je relis l'intégralité de la phrase avant de passer à la prochaine. Sifflet n'est pas joué, s'écrit l'homme de touche à tout hasard. Point virgule, quand la cage inviolée tremble encore du souffle d'un sirocco si frais, dit-il en riant. Point. Tempête, virgule, brille, virgule, gîte, virgule. Tempête, virgule, brille, virgule, gîte, virgule. Mon voisin des crampes. Là est le drame de la navigation à vue. Point. C'est beau, hein. Là est le drame de la navigation à vue. Point. Je voudrais savoir si vous êtes sponsorisé. Tempête, Brigitte, là est le drame de la navigation à vue. Vous avez des pommades contre les tendinites ? C'est... Tempête, Brigitte Lahaie, c'est le Joseph, drame de la navigation à vue. C'est Joseph Conrad, en fait. C'est Joseph Conrad à l'antenne. Non, je ne connais, c'est Raymond Domenech. Joseph, c'est toi. On vous écoute, Joseph, docteur, on vous écoute. Concluez, concluez, ne vous laissez pas perturber par cette assistance. Cauchemoto sort de ce corps. Je vous demande un peu de calme, s'il vous plaît, cher ami. C'est Conrad, je te dis. Tempête, Brigitte Lahaie, le drame de la navigation à vue, point. En effet, virgule. Ah. Enfin. En effet, virgule. En effet, en sifflet, oui. Dans le pré, le bonheur nous préserve. En effet, virgule. En effet, virgule. Dans le pré, le bonheur nous préserve, virgule. J'espère que je passe actif, en seconde après. Hein. Virgule. Nous préserve, pardon. Oui, rétrograde. Oui. En effet, virgule, dans le pré, le bonheur nous préserve, virgule, hâtif, virgule. Oh. Des lenteurs de la marine déchaînée, point. Non, pas Jean Vincent, Jean Vincent. Des comment? Hâtif, des lenteurs de la marine déchaînée, point. C'est beau. En effet, dans le pré, le bonheur nous préserve, hâtif, des lenteurs de la marine déchaînée, point. Le bateau livre. Le bateau livre. Et je vais faire une petite ellipse. Oui. Pour vous passer à la dernière phrase. Ellipse, ah. Oui, avec plaisir. Ellipse, c'est nous, docteur. Merci. J'ai des crampes, hein, vraiment. Allez. Vous n'écrivez je plus, amis. Tout de même. Ouais, on n'a plus de feuilles. Ouais, oui. En effet, dans le pré, le bonheur nous préservatif des lenteurs de la marine déchaînée. Point. Puisse le Gaule au Gaule. Puisse le Gaule au Gaule, virgule. Haut de la canne. Haut de la canne. Haut de la canne. Virgule. Puisse le golo golo de la canne, virgule. De la canne, la canne. Puisse le golo golo de la canne, virgule. Oh, ça fait bien longtemps que j'ai pris rouge. La tribune. Comment, docteur? Secouer puisse la tribune. Le golo golo de la canne, virgule. Oui. Secouer la tribune. Oui. Attention, et pimenter les annales. Et pimenter les annales, oui. Secouer la tribune. Ah, c'est dégueulasse. Et pimenter les annales. Oh, secouer la tribune et pimenter les annales. Ah, bah. Et comment, excusez-moi, docteur, secouer le prépuce et pimenter les annales en secouant le prépuce. Oui, on a bien compris dans le bon studio. Hein. Puisse le golo-golo de la canne secouer la tribune et pimenter les annales du jeu de loi. Point. Voilà. Ah. Votre calvaire est terminé. On verra, merci, on verra ce qu'en pense Joseph-Antoine Bell. Merci beaucoup, docteur, merci de votre participation. Super, encore merci, extrêmement merci nécessaire beaucoup à cette émission. Je ne savais pas qu'il y avait un tour. Allez, à bientôt, merci, et passez une bonne nuit sur l'île. En tout cas, je vous dis à très bientôt, car je vous entends très mal. Je vous aime beaucoup. Et merci, docteur. À bientôt, docteur. Au revoir. À bientôt. Bonsoir. Mes amitiés. Excellent. Alors, chers amis, cette dictée, nous ne la corrigerons pas, puisque je crois que beaucoup trop de dissipation a perturbé l'écoute. Quoi ? Bien sûr, cher préfet. Et on va tout de suite passer à la suite de cette émission. On va continuer avec le prix des bâtons d'Anguirou littéraire international de football. Avec vous, Magic, vous nous présentez votre ouvrage « Une minute pour nous convaincre », s'il vous plaît. Oui, alors, j'ai avec moi le livre qui, je pense, mérite d'avoir le premier prix des BDGR, dont on ne sait pas encore ce que ça veut dire, que ces initiales. Pourquoi ? Ça s'appelle le bidon Néron, et si l'on... Le bidon Néro, pardon, écrit par Eddie Fleck et Maxime Miana, et si l'on lit la quatrième de couverture, ces gens-là nous disent qu'il s'agit là d'un dictionnaire qui vient combler un manque, qui vient nous apprendre des mots au-delà des 5000 que l'on a régulièrement dans notre vocabulaire. Et en lisant, en parcourant ce livre, on s'aperçoit en réalité d'un certain nombre de réalités, d'anecdotes, de petites histoires, de plein de choses que nous, spécialistes de football, ne savons pas, alors que on devrait en connaître au moins un petit peu de toutes ces choses-là. Eh bien, il y a rien là-dedans qu'on sait, et c'est absolument une nourriture incroyable. Alors, c'est classé, alors c'est très classique, hein, ça va de A et ça finit à Z, bien sûr. Et puis, c'est plein de petits dessins, le graphisme est très très joli, très simple, très chiadé. Et alors, je le prends au hasard, je vais vous lire par exemple ce qu'on y découvre. Par exemple, est-ce que vous connaissez Cesario Hernandez, né en 1948? C'est un entraîneur péruvien, disciple de Marcelo Bielsa, défenseur central des Newell's Old Boys jusqu'en 88. Ce type-là devient l'adjoint donc, de Bielsa en 90. Et voilà, et on découvre tout son parcours. Qu'on devrait connaître, mais qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que ce livre-là passe à côté de plein de choses qui sont extrêmement importantes et qui, surtout, nous, dans Des bâtons dans l'Irou, devraient nous servir pour préparer nos émissions. Vous savez qu'on a beaucoup de mal à trouver à chaque fois la thématique de nos émissions. Et par exemple, dans ce livre-là, on a des petites citations, par exemple, d'un livre très connu, pourtant, de Stendhal, Le Rouge, le Noir, où il est écrit « Jamais, madame, je ne battrai vos enfants, je le jure devant Dieu. » Et en disant ces mots, Julien Sorel osa prendre la main de madame de Rênal et la porter à ses lèvres. Elle fut étonnée de ce geste et par réflexion choquée. Comme il faisait très chaud, son bras était tout à fait nu sous son châle et le mouvement de Julien en portant la main à ses lèvres l'avait entièrement découvert. Au bout de quelques instants, elle lui demanda pourquoi le but de Giroud avait été refusé. Julien ne gobait rien au football, mais il gonlissa pour l'impressionner. La France l'emporta finalement 2-0. Matuidi 36e, Payet 89e. Voilà, ce sont des choses qu'on apprend. Dans le bidonero. Dans le bidonero, exactement. Bah, le rouge et le noir, je pensais immédiatement cet infâme Milan AC, mais bon. Pour ma part, c'était sang et or. Hein. Alors, Local. Le Bidonero est le quatrième ouvrage à se proposer au prix des bâtons d'Anguirou. Avant de passer à la partie imprimerie de notre émission avec vous, mon cher coach, je voulais laisser la parole à Poncharella, qui voulait proposer un autre moment de poésie, comme il y en a eu tant déjà depuis le début, avec un petit extrait, je crois, d'un texte que vous aimez beaucoup. Oui, c'est un petit texte qui est paru dans la revue Boxon. Ça date de 98-99 et ça tombe bien, c'est la même période que sur le livre d'Hubert Lucot. Donc c'est le classement division 1 et 2 du championnat de France du 27 décembre 99 à Monaco, à Valence le 14 janvier 2000. Donc on est dans la même période. Et c'est un petit extrait qui s'appelle Pim, Bem, Bom et Wat, que je vais essayer de... Très court, hein. On vous écoute une petite minute, Esther. Passe à Pim, qui croit que ça lui vient tout seul et voudrait s'emballer, mais manque de bol, ça rentre pas, mais sans décourager, sans bom bom, long ballon et petit tac, la Watt et petite attention, monsieur, l'arbitre, un peu drapeau pourtant levé, mais rien, on siffle et garde à Pim, encore le sac ici, passé ligné pour bom bom, qui dribble et n'en peut plus et perd le fil, mais manque de bol et soif, si ça veut pas rentrer, ça soif toujours un bon quart d'heure encore. Tassé, longue, passe devant, pim, bom, et pim, et but, et non pas but, et encore bref, corner, et cela met profond la balle, mais pas rentrée, encore un bon quart d'heure, début, ardu, suite, un peu moins, seulement, lent, la fin, comprend pas tout, mais n'en peut plus, veut dire qu'il ne pleut pas, direct au stade de Watt, au stade de toujours un petit moment du Bem, et de toujours un petit moment du Pim, tout seul, il boue le noir et la suée du Pim, en tête de Bem, et tacle, à Watt, monsieur la foule, il n'est pas bon siffler dans bom et but et non pas but, une petite soif seulement, attendre, en première balle, le pim et passe le bem dans bom à bom, reprendre une boîte à droite et bout dessus, trop rien lui dire, ou Watt, un coup, corner mais ne veut pas boire, ça mais long ballon pour pim, pim, pim et bom, bom, bom, toujours dans bem, ces lignes ou la pluie, pim. Deuxième partie, tête morte, une main coupe, franche et glou, on siffle, reboîte, un but et non pas but. Merci beaucoup Esther, c'est un texte qui a été publié dans la revue Boxon. Est-ce que, peut-être je n'ai pas écouté, mais est-ce que vous nous en avez donné l'auteur ? Charles Penquin. C'est Charles Penquin. Ouais. On vous remercie beaucoup, Puncharella. Et maintenant, cher coach, coach Luc, quand vous aurez fini votre gorgée, vous pourrez nous en apprendre un peu plus sur l'énergumène qui est le troisième invité de cette émission, c'est-à-dire Brian, et donc notre imprimeur ce soir. Voilà, donc avant de finalement discuter avec notre invité, donc Brian Murat, de cette question de qu'est-ce que... Puisqu'on a parlé donc du point de vue de l'auteur, de l'éditeur, mais en fait, un livre, c'est aussi un objet. Donc quel type d'objet, ce livre idéal, pourrait-il être ? Et c'est là, je pense, où finalement le bâtisseur intervient. Ah oui, très très bien. Mais avant ça, j'avais cru comprendre qu'il fallait définir un petit portrait de notre invité. Et donc j'ai produit un petit portrait en partant de ce principe assez littéral que faire un portrait c'est un peu traduire son invité sous une forme particulière. J'ai donc passé les mots Brian Murat à un traducteur en ligne et j'ai donc analysé les réponses que celui-ci m'a données. Donc globalement, Brian Murat demeure Brian Murat en anglais, en afrikaans, en allemand, en basque, en coréen, en créole, en hébreu, en islandais, en javanais, en latin, en macédonien, en malaisien, en népalais, en ouzbek, en thaï, en turc, en zoulou, etc. Donc voilà, Brian Murat. Bon, certaines réponses obtenues par ailleurs sur d'autres traductions, d'autres translations, nous permettent d'affirmer par d'étranges découvertes que cette identité de Brian Murat finalement n'est pas si simple au monde. Donc traduit de l'arabe, Brian Murat dit « visite Brian ». Donc « visite » ici au pluriel, ce qui rappelle donc que c'est sa seconde participation à l'émission après le spécial GPU. En hindi et en russe, Brian Murat est Brian Moore, Moore comme Roger Moore, ce qui signifie qu'on a donc affaire à un invité classe et amicalement vôtre. Mais un invité que le Yoruba nous recommande de ne pas prendre à la légère avec sa traduction qui est « Brian préparé ». Et donc j'ai bien entendu cet avertissement venu du Nigeria. Et donc voilà, j'ai quand même préparé cette émission. En Gujarati, donc, qui est une langue de l'ouest de l'Inde, on découvre que cela donne Money Brian, ce qui pourrait inquiéter les très nombreux actionnaires et autres fonds de pension américains qui soutiennent DBDGR. Mais le Tagalog, donc une des langues officielles des Philippines, vient rassurer notre fortune exfiltrée dans les paradis fiscaux. Brian Murat devient Brian pas cher. Donc sa géolocalisation actuelle, sa vie à Marseille, mais pas de Marseillais de souche, nous est signifiée par le japonais qui nous donne B Lian Irrégularité. Lian étant un prénom asiatique qui se traduit par fille du soleil. Irrégularité indique qu'il n'est pas un vrai Marseillais, mais alors que peut bien signifier ce B ? Peut-être qu'il nous le dira tout à l'heure. La cité phocéenne est un plan B. La nature transversale de ses activités est lisible dans le chinois. Brian Murong A. Alors, les Murongs sont un peuple nomade de Chine d'origine mongole. Après, que signifie ce A ? Peut-être qu'il nous le dira tout à l'heure. Un combo très cosmopolite et un peu tuning nous éclaire sur le tempérament de Brian Murat, qui est en Maori et en Xhosa. Alors, Xhosa, c'est une ethnie d'Afrique du Sud, dont sont originaires Nelson Mandela et Desmond Tutu. Et donc, cela se révèle Brian Flamme. En Corse et en Roumain semble se dessiner le bâtisseur de projet, ainsi que l'artiste plasticien. Cela donne Mur Brian, Mur au pluriel. Ce que semble confirmer l'espéranto, Paroi Brian, ainsi que le biélorusse, Brian Maçonnerie. Son humanisme optimiste et son aura d'artiste se devinent en tamoul. Brian Murat étant Brian Foi. Foi, F-O-I-S, marquant le multiple, ainsi que la foi hétérothéiste conjuguée au pluriel, marquant l'adhésion totale de l'homme à plusieurs idéaux qui le dépassent. Donc cette idée est soulignée par le gaélique, où Brian Murat devient si Brian, si étant une condition qui traduit l'irréel du présent et le potentiel du futur. Le grec lawayen et le shona étant une langue bantoue du Zimbabwe, nous dévoilent sa part de mysticisme et d'ésotérisme. Brian Murat devient Mir Brian. Mir, donc M-Y-2-R-H-E, qui est cette gomme exudée du tronc de certains arbres, utilisée pour son parfum et ses propriétés antispasmodiques et stimulantes, qui est une substance indéniablement très biblique. Donc notre invité relèverait-il de la confrérie des rois mages, à côté de laquelle les Illuminati et autres francs-maçons ne sont que des amis castrés. Donc le grec, lui, nous annonce même un mire vrian. Alors, que signifie ce mot vrian? Peut-être un mot de passe de la confrérie, ça peut-être qu'il nous le dira aussi tout à l'heure. Mais voilà, toute histoire délivre sa part d'ombre et tout bon destin, à l'instar d'un match de tennis féminin, recèle sa part de revers lifté. Donc malheureusement, Brian Murat en Haoussa, qui est une langue originaire du Tchad, nous informe d'une grippe Brian, comme un avertissement fatal renforcé par le bulgare qui nous dit « Fir Brian », le fir étant un arbre de la famille du sapin. Voilà, donc ce fir, Brian, un peu annonciateur de la dernière traduction qui vient de l'ourdou du Pakistan, qui signifie « Brian est mort ». Vive Brian. Brian Jones. Bien. Une réaction, Brian, peut-être, à ce portrait en creux de vous. Oui, très simplement, il me semble, grâce à vous, d'être invité aussi comme quelqu'un qui connaît l'imprimerie. Oui. Vous savez que dans les métiers de l'imprimerie, il y en a des dizaines et des dizaines. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est le façonnage. On a tous en fait en nous depuis longtemps, comme la radio, comme la télévision, on idéalise les métiers. Sachant qu'en fait le façonnage, ça regroupe. C'est le moment où on va regrouper les cahiers. C'est le moment où en fait les textes vont être assemblés dans ce qu'on nomme un livre. Eh bien, c'est vrai que le livre est fédérateur et les métiers du façonnage, ça donne énormément de possibilités. Et si j'avais un message à dire maintenant, c'est vraiment l'imprimerie, c'est pas juste l'impression de voir quelque chose d'imprimé sur un support. En fait, c'est comment on les assemble ensuite. Et c'est ça qui est important. C'est comment on assemble les choses entre elles. C'est comment on arrive à fédérer les choses. On a un dos carré collé, on peut avoir un dos carré collé cousu, on peut avoir du piqué à cheval. Mais tout ça sont des messages très très importants. Façonner, c'est assembler, c'est fédérer. Ce sont des métiers qui sont très manuels, physique, parfois redondant. Il n'empêche, vous êtes toujours en contact même de l'écrit et même du support. Vous avez le papier dans les mains, vous touchez des qualités de papier, donc vous touchez aussi l'intention de l'éditeur, n'est-ce pas ? Et à travers lui, l'intention de l'auteur, puisque l'éditeur ne travaille, il me semble, jamais sans son auteur. Et puis vous avez une chaîne d'union. Vous êtes vraiment présent. C'est-à-dire que c'est vous qui allez à un moment donné. Alors je me répète, mais c'est pour moi très important, fédérer les choses. Alors coach, vous aviez, je crois, quelques questions à poser à notre invité Brian Murat concernant les livres de football et la qualité d'impression. Ben justement, c'était sur cette idée donc, que le livre est aussi un objet. Oui. Donc à la fois donc, cet objet qui rassemble un certain nombre d'éléments. Oui. Mais un objet est aussi finalement quelque chose qui va créer une relation avec le lecteur, c'est-à-dire oui. Quelque chose qui s'empoigne, qui se manipule. Alors comment vous envisageriez finalement le livre idéal sur ces deux choses-là, sur cette notion de rassemblement donc, qui va intégrer un certain nombre d'éléments et sur la manipulation qui serait proposée ensuite au lecteur? Pour le football ? Pour le football, bien sûr. Lorsque j'ai parcouru les librairies avant de venir à l'émission, j'ai trouvé toujours la même intention, c'est-à-dire qu'un livre est un livre, c'est-à-dire qu'il y a une couverture, il y a des pages qui sont collées les unes entre elles. Je pense que même dans d'autres domaines, soyons audacieux. Moi, je verrais une frise. Moi, je vois une frise, en fait. On a des machines aujourd'hui dans l'imprimerie qui permettent en fait, d'imprimer sur de très très larges formats et de pouvoir plier ensuite et de faire des livres accordéons. C'est-à-dire que on déplie, en fait. On déplie comme si vous avez, en fait, un stade aussi en trois dimensions autour de vous. On peut l'avoir aussi dans le numérique. On connaît les photos panoramiques. Mais le livre, on est complètement capable. Lorsque vous regardez aussi des orgues du début du siècle dernier, où, en fait, c'était du papier à musique, qui défilait, et on tournait. Et en fait, voilà, c'était lu, en fait, par des machines, mais c'était quelqu'un qui tournait. Et moi, je vois aussi ce livre-là qui se déplie comme de grandes frises, comme de grands panoramas, parce que le football, mine de rien, il est lié à toutes les couches de la société, et plutôt qu'en faire des pages, saccadées, séparées, je pense que lorsqu'on étend des bras, lorsqu'on étend aussi, vous savez, ces écharpes que l'on voit dans les stades de foot, eh bien, moi, je vois un livre de cette façon. Est-ce que ce serait un livre qui contiendrait du texte ou que des images ? Parce que le livre dont vous parliez tout à l'heure sur le sifflet, vous parliez de photographie, mais pas vraiment de mots. Oui. Alors, quelques mots, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est comment traduire de la musique dans un livre, ou comment traduire du théâtre dans un livre, ou traduire de la vidéo dans un livre. Et ça, c'est des, à mon sens, des jolis challenges. Il y a quelques textes, mais ça pourrait être deux cahiers de quatre pages pliés, par exemple, mais qui vont être insérés dans une couverture. Et après, le livre, en fait, lui, c'est un grand accordéon. Et le matériau serait forcément du papier ? Est-ce que ça pourrait être du tissu ? Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui se porte ? On a une qualité de papier quand même. On a à disposition. Enfin, les papetiers font un boulot extraordinaire, puisque Ils vont toujours chercher des clients, et leurs clients sont les imprimeurs, et les clients des imprimeurs sont le client. Donc voilà, il y a une chaîne comme ça pour toujours renouveler, exciter, étonner. En papier, je pense qu'on a assez, on a beaucoup de choses à faire avec le papier encore. Quel serait le nombre de tirages qui serait préconisé ? Est-ce qu'il faudrait 50. 50 en tout ? 50 exemplaires. Le livre idéal est en 50 exemplaires ? Oui. Est-ce qu'il serait gratuit ? Ça dépend de l'éditeur. Fait des gestes. Ça dépend de l'éditeur, oui. Non, c'est ça. Est-ce que la question, si vous parlez à moi, c'est un peu compliqué. Mais peut-être que l'éditeur peut avoir une réponse. Ouais. Est-ce que le livre idéal serait gratuit ? Non. Non, parce qu'il se mérite. Il faut aller le chercher, il faut aller le trouver, le dégoter quelque part. Mais le mérite viendrait de la rareté si on le tire en 50 exemplaires. Ben déjà, donc, difficulté d'accès. Oui, mais une fois que tu l'as, si par exemple, comme nous, on a des rapports privilégiés avec l'imprimeur, il est facile de le trouver. Donc il faut bien qu'on le paye, à un moment donné. Mais, et puis il faut payer l'auteur aussi. Simplement parce que ce genre de choses, voilà, c'est pas que du travail, c'est... L'argent, ben, grosso modo, c'est la valeur qu'on donne à peu près à tout. Et c'est au moins reconnaître une certaine valeur. Finalement, tous autour de la table, on a à un moment donné souffert du truc. Tu fais ça parce que ça te plaît. T'as pas besoin d'être payé, mon grand. Et ben, rien que pour contrecarrer ça, le livre, il faut l'acheter. Moi, justement, sur la conception de Débordement, édition Anamotza, 17,50€. J'allais vous interroger là-dessus, mon cher Samy, parce qu'Emmanuel a eu en main. La couverture est assez particulière, notamment. Voilà, et c'est dommage que j'ai oublié de l'amener pour le montrer à Brian, puisque, effectivement, il y a un effort de fabrication assez particulier. Justement, je voulais de nouveau remercier l'éditrice Chloé Paté, et surtout Monica Jaco-Petresca, qui est la directrice artistique, qui a elle-même conçu. La couverture avec une jolie photo au dos, et il y a une espèce de petit rabat. On est dans un format qui se trouve entre le livre traditionnel et le livre de poche, donc qui est assez malléable, avec un papier quand même qui est assez souple. Et on a également travaillé avec une illustratrice, Alice Gravier, c'est elle qui a fait les têtes de chapitre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est posé la question, est-ce qu'on met une photo ou pas des personnages que l'on évoque en entrée de chapitre ? Et finalement, elle a eu l'astucieuse idée de prendre un objet dans les différents textes pour les figurer en tête de chapitre au lieu de dessiner tout simplement et presque banalement le visage du personnage évoqué. Et oui, ben justement, c'est chouette d'avoir un imprimeur aussi, quelqu'un qui s'intéresse aux qualités de papier, parce que je pense qu'effectivement, la façon dont tu fais ton bouquin dit énormément de choses sur ce qu'il y a dedans, sur les ce que tu veux dire, sur les intentions, et même plus encore que ça. Le choix du papier, bêtement. Du papier épais, du papier pas épais, du papier lisse, du papier journal, du papier... tout ça, c'est un nombre de signes différents que tu envoies au lecteur pour qu'il puisse se reconnaître dedans, sur ce que tu penses du livre. Moi, par exemple, j'essaie de faire des livres pas chers. Et en même temps, d'une façon banale, donc qui peut être mis dans la main de n'importe qui. C'est un objet qui est beau en soi, mais pas d'une préciosité telle qu'on n'ose pas l'ouvrir, et qui a la taille idéale pour être dans une poche, ou même l'épaisseur idéale pour tenir une table quand elle est bancale. Et donc c'est un peu tout ce type de message. Le livre, il fait partie de la vie. Il est avec toi. Tu l'emmènes. Voilà, il est là. Et il peut servir à tout. Alors, si je peux me permettre... Bien sûr, allez-y. Merci. Et je pense que Coach Luc aura encore une ou deux questions à vous poser. Si je peux me permettre... l'imprimerie, comme beaucoup de métiers aujourd'hui, vivent ce qu'on appelle des révolutions. Mais quand c'est humain, ce qu'on disait en tout début d'émission, change. Rien n'est acquis, tout se reconstruit et de nouvelles questions se posent. Pour ma part, j'apprécie de conseiller les gens. Justement sur cette qualité de papier, une poésie, une photographie, un livre de cuisine ou de couture, que sais-je, eh bien, demande aussi un écrin. Et le papier, c'est lui. C'est cette espèce de réceptacle qui doit être, comment dire, porteur. Et... quand on a un livre dans les mains, c'est sensuel. C'est de la sensualité. Et qu'on parle de football, qu'on parle de cuisine, ou qu'on parle de poésie, à un moment donné, il faut savoir transmettre la pensée même et de l'auteur et de l'éditeur. Et le papier reste... alors je fais pas, moi, je fais beaucoup de web aussi, c'est-à-dire que... c'est une autre façon de lire le livre sur le web. J'adore ça, j'ai plein d'idées, mais le papier, c'est quand même... c'est pas que ce soit important, mais comme vous le disiez, c'est un signe qui fait sens. Vas-y. Coach, allez-y. Le livre idéal serait un livre d'un seul auteur ou un livre collectif ? Dans ces cas-là, comment on traduit au niveau de la fabrication du livre, finalement, autant d'intention qu'il y a d'auteurs ? Un livre ne se fait jamais seul. On ne fait pas un livre seul. C'est, à mon sens, hein, j'ai pas, mais à mon sens, un livre, c'est quelque chose forcément de collectif. Puisqu'il y a un auteur, il y a un éditeur, il y a un imprimeur. Et il y a une chaîne graphique. Et moi, je traduirais même chaîne graphique à chaîne d'union. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir confiance. Après, l'imprimerie, c'est un métier qui est fait de beaucoup d'erreurs. Et il faut les accepter. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, comment on dirait, excusez-moi, hein, une couille. Eh bien, il faut l'accepter. Il faut l'aimer, vous savez. Il faut en prendre quoi ? Faut l'apprécier, mais il faut l'apprécier. Vous savez, il y a des gens qui sont... excusez-moi d'être aussi... présent, mais il y a des gens qui sont borgnes parfois, il y a des gens qui sont amputés, eh bien, il y a des gens qui ont des taches de rousseur, Il y a des gens qui louchent, il y a des gens qui sont beaux, il y a des gens qui sont moins beaux, il y a des gens qui sont gros. Eh bien, tout ça, pour moi, ça fait partie d'une coquetterie. Et je les apprécie tels quels. Eh bien, un livre, quand il sort, eh bien, il a ses défauts et je l'accepterai tel quel aussi. Un livre qui a une coquetterie dans l'œil. Oui, voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors moi, ma dernière question, mais elle se pose peut-être ainsi, parce qu'en fait, c'était une question qui venait par rapport à ce que disait aussi le préfet. Est-ce que ce livre aussi pourrait être destiné à être utilisé, avoir une sorte de double emploi, et être utilisé aussi pour autre chose que simplement être lu comme un livre classique ? On pourrait, par exemple, taper du pied dedans et faire une partie de football avec. Et dans ces cas-là, y compris les gens qui ne veulent pas le lire, ils se retrouvent malgré tout dans la possibilité de pouvoir en faire un usage qui lié au football. De toute façon, finir en boule, c'est quand même la principale destinée de tout morceau de papier imprimé. Donc, en boule, pour allumer le feu ou pour shooter dedans, ça me paraît complètement légitime et même, franchement, un des buts à viser. Et je déconne presque pas en disant ça. Sinon, moi, j'ai juste une toute dernière question, mais que je pose là aux trois, par contre. Est-ce que le livre idéal pourrait être une fiction ? Ah oui ? Bah oui, oui. Mmh. Tout à l'heure, je parlais du travail de John King en Angleterre, qui, au travers de Football Factory et aux couleurs de l'Angleterre, je trouve, a su vachement bien dépeindre ce qu'a pu être à un moment donné le hooliganisme, pas forcément dans sa dimension juste bagarre de rue, mais juste presque, vous m'excuserez, mais presque un peu famille, question de fierté certes mal placée, mais avec des amitiés un peu déglinguées, etc., de gens qui finalement ont plus grand-chose d'autre que le football, et qui voyagent au travers de leur propre pays grâce au football. C'est vraiment l'histoire de Football Factory, dont la première phrase est quelque chose comme « Coventry est une ville de merde, Hitler aurait dû finir le boulot ». Ça commence comme ça, c'est assez violent. Mais au travers des pérégrinations justement du protagoniste principal qui se prénomme Tom, de mémoire, qui est un supporter de ce satané club de Chelsea, que je déteste, bah avec ses copains, voilà, il va au match, évidemment, qui raconte les matchs à Stamford Bridge, qui est le stade qui accueille Chelsea habituellement, qui est en plus la banlieue chic de Londres, mais qui était encore à ce moment-là, dont les tribunes étaient encore à ce moment-là abordables pour les working class heroes, comme aurait pu le dire John Lennon. Et on le suit aussi au travers des matchs à l'extérieur, de ses impressions des supporters adverses, des villes. Et encore une fois, c'était vraiment un portrait en creux de ce qu'a pu être à un moment donné la jeune classe ouvrière anglaise dont le dernier loisir est le football. Et qui lui semble aujourd'hui de plus en plus interdit compte tenu de tarifs absolument délirants et prohibitifs. Et je remets un petit coup de chapeau aux supporters de Liverpool qui, l'an dernier, alors qu'on leur avait dit que les places les moins chères seraient désormais à 77 livres, à la 77e minute du match qui avait suivi cette annonce, 10 000 fans du stade ont quitté donc le stade en plein milieu du match. L'équipe a perdu alors qu'elle menait de buts faciles. Et le lendemain, les propriétaires américains ont rétro-pédalé directement et il n'a plus jamais été question de ça. Ben, donc, livre idéal, oui, une fiction, mais je dirais encore plus une espèce, une légende ou une mythologie. La légende, le foot, c'est une légende qui se raconte tout le temps. Et ce qui est chouette, c'est que les personnages qu'on y rencontre, qu'on y croise, sont des personnages mythologiques eux-mêmes. Et je pense qu'ils peuvent vraiment s'écrire quelque chose comme ça à travers le foot, c'est-à-dire une vraie mythologie qui prend des personnages, qui les sort, qui les fait vivre un match et puis vivre complètement autre chose en dehors et reconstruire une espèce de réalité de maintenant qui soit au-delà des luttes working class, machin, tout ça. Mais qui s'inscrivent dans un temps donné, quoi. Qui s'inscrivent vraiment dans l'immense geste du XXe siècle, du XXIe. Enfin, je sais pas, pour moi, il y a... Ouais, il y a quelque chose de Tolkien, en fait, là-dedans, mais vraiment, quoi, dans c'est drôle de... Pas de lutte pour l'anneau, machin, mais de, tout d'un coup, des personnages qui émergent et puis qui sont le centre du monde à chaque fois. Et puis, hop, on passe à un autre, et on passe à un autre. Et peut-être que l'histoire se construit comme ça, maintenant. Alors, Samy, je vais vous redonner la parole pour le prix littéraire des BDGR, des Bâtons d'Anguillou International de Football. Votre livre à défendre, bien sûr, je vous vois agiter le bras, cher préfet, mais vous aurez la parole pour terminer. Votre livre à défendre, vous avez une minute, comme tout le monde, l'exercice. Ben, je vais essayer d'être bref, mais il y en a trois qui me semblent intéressants. Alors, il n'en faut qu'un, mon cher Samy, hein, vous le savez, c'est la règle. Bon, écoutez, ce sera en tout cas celui que je trouve le plus farfelu, qui date pas d'aujourd'hui, qui date de 2008, et qui est de Marc Villard, qui habituellement écrit des polars, et qui s'intitule « Le coup du sombrero », qui date de 2008 aux éditions Atalante. Et bah en fait, quand on parcourt la quatrième de couve, on nous explique que ce livre est dédié à Maradona. Bon, très bien. Mais il n'y a pas de Maradona dans le livre. Il n'y a pas de dribble diabolique. Il n'y a pas de feinte hallucinante. Il n'y a pas de chevauchée fantastique. Non, il s'agit davantage de souvenirs vrais ou faux de l'auteur, donc Marc Villard, dit le bourreau de Bagatelle, qui raconte sa pratique quasi hebdomadaire, permanente et avachie du football avec ses potes. Et ce qui m'a vachement touché dans ce bouquin, c'est le retour... tout à l'heure, Brian parlait de l'enfance, de ce sport, et au fond de la simplicité qu'est de jouer au foot, c'est-à-dire, voilà, vous êtes 2 contre 2, 3 contre 3, vous avez 2, voire 4 pulls pour faire des buts, et puis on s'amuse, quoi. Et entre potes, ça donne lieu à des plaisanteries dont on se souvient 10, 15, 20 ans plus tard, au-delà même d'avoir pratiqué le foot en club avec les maillots réglementaires, les arbitres officiels, etc. Non, non, là, on est dans le prolongement d'un truc mi-pathétique et mi-poignant. Enfin, il y a un peu de tout ça. Et j'avais été vachement surpris que Marc Villard, que je connaissais plutôt vraiment comme un auteur de polar, puisse se laisser aller à pareille digression. Et j'avais trouvé ça vraiment très drôle et je le recommande. Jag träffade mig på Santansalm som är 89. Hon gråt när hon var förny och sång när hon var bli. C'est toujours des bâtons dans Guirou. Foot apostrophe, c'est bientôt la fin. On a encore un livre à présenter pour le prix littéraire DBDGR. Là, on écoute pour l'instant Jonesbo qui est un auteur de polar, mais aussi un membre d'un groupe norvégien. Je crois que c'est le coach qui a fait cette sélection musicale. Et puis, on va bien conclure cette émission avec vous. Magic, je vois que vous me regardez d'un air tout à fait amusé et rieur. Non, vous êtes beau. Merci. Mais quid de la dictée ? Que fait-on de cette dictée ? Non. Alors, non torsionnaire. La dictée du docteur sera proposée sur notre compte Facebook, compte sur lequel vous pouvez bien sûr nous rejoindre. Vous pouvez nous liker, comme on dit dans le monde de Facebook. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le compte Twitter. Je crois que ma chère Poncherella, ça swing pas mal sur le compte en ce moment. Un petit brève. Alors je déroge en fait aux 140 signes que je me donne, et en même temps je parodie Pascal Quignard qui dit, non je le parodie, de cette façon j'assemble et de cette façon je transmets, ce qui me semble être une densité des conversations. Préfet, c'est vous qui concluez sur cet exercice de présentation d'ouvrage. Vous avez une minute pour convaincre et nous proposer un ouvrage au prix littéraire des bâtons d'Anguirou qui sera décerné à la fin de la semaine. Le vote du public sur notre compte Facebook fera l'affaire. Et voilà, donc le dernier ouvrage est... Eh bien, comme je suis éditeur, c'est-à-dire une espèce de pute racoleuse, j'ai décidé de vous présenter le livre que j'ai édité il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Des bâtons d'Anguirou ». Oui. Recueil. Ça sent quand même un peu le conflit d'intérêt, tout ça. C'est le public qui décidera. C'est le public qui décidera. Présentez-le, allez-y. Donc, Des bâtons d'Anguirou, qui est donc un recueil des différentes chroniques des personnages hauts en couleur et ô combien brillants qui nous entourent ici. Qui est pour moi. Voilà, à peu près le livre idéal sur le foot, parce qu'il ne se contente pas de raconter des matchs et des histoires de foot, et pourtant il les raconte quand même, et il ne se contente pas de raconter la légende autour du foot, et pourtant il la raconte quand même, voire il la crée. Et puis, il sait aussi s'intéresser à des personnages réels, comme... Zato, d'ailleurs, si on veut le retrouver, il va falloir envoyer des mobilettes à l'équipe. On l'attend. On les attend. 7 mobilettes, exactement. 7 mobilettes, absolument. Je pense que le COP de Saint-Étienne devrait se joindre à nous bientôt. Je suis en contact avec eux pour les trouver. Donc, ce livre est non seulement un livre passionnant, de bout en bout. D'ailleurs, le seul livre sur le foot que j'ai réussi à lire. Ah, cher préfet, vous dites ça parce que vous n'avez pas lu Débordement. Non, mais surtout que j'étais obligé. De toute façon, il fallait bien corriger les fautes d'orthographe parce que c'est peut-être brillant, mais alors c'est... Je jure que bon, l'édité, c'est pas inutile. Le préfet fait le boulot. Je fais le boulot. Donc voilà, Donc, je disais donc que ce livre absolument fabuleux, parce que j'ai réussi à le lire jusqu'au bout, me semble l'archétype du livre de foot. Ce qui devrait se faire maintenant, tout le temps. Merci, mon cher préfet. Je rappelle les 6 titres nominés pour le prix des bâtons d'Anguirou. L'art de la guerre. Pourquoi les tirs au but devraient être tirés avant les prolongations, Dans l'enfer des profondeurs, Bidonero, Le coup du sombrero et Des bâtons d'Anguirou. Voilà une bien belle sélection que nous soumettons à nos auditrices et auditeurs. On va conclure cette émission avec vous, mon cher coach. Vous avez préparé une petite croquine. Je ne sais pas quelle durée, non. Vous me faites signe que non. Je vous laisse dire un petit mot, la fin de votre croquine. Avant ça, on va remercier nos invités, bien sûr. Merci à vous, Brian Murat, Philippe Awardi, le préfet, et Samy Mouhoubi. Brian, juste un... C'est moi qui vous remercie. Un court mot, Brian. Exactement. Il a été cité un auteur que j'affectionne particulièrement parmi tant d'autres auteurs. Hubert Lecaux est décédé il y a quelques jours, et j'invite nos auditeurs, comme je m'invite, à lire et à relire en fait ses écrits qui sont ceux d'une époque proustienne, éclairée, et vraiment. Voilà, ça me fait de la peine qu'il soit parti. Mais voilà, parmi des auteurs connus et mal connus à la fois, voilà, c'était pour joindre ses propos. Je m'y prends très très mal, mais voilà, Hubert Lecaux est à suivre. Je vous remercie, Brian, de ces mots. Merci à vous d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairé sur la partie fabrication du livre idéal de football. Merci à vous, monsieur le préfet, de votre présence une nouvelle fois à ce micro. Merci à vous. Samy, à une prochaine aussi, on espère. J'espère, et merci encore de cet accueil super chaleureux. Magic, Ponchorella, votre participation était encore une fois impeccable. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Et on salue le docteur depuis son île. On salue également nos compagnons Brett et Dondé qui ne pouvaient pas être présents ce soir. Et coach, je vous laisse, nous vous laissons conclure cette émission. Et bien merci à tous et à la prochaine. Playa Blanca, les hirondelles glissent dans l'air, température, fin de soirée, villégiature, séjour en couple. Enroulé sur le palmier mort, s'allume et la soirée décolle. Les Allemandes traversent le décor. Playa Blanca, comme une enclave au milieu du monde qui souffre, comme une enclave au bord du gouffre, comme un lieu d'amour sans entrave. Les estivantes prennent un deuxième apéritif. Elles échangent des regards pensifs, remplis de douceur.